Vivacité, ma radio complicité. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. Bonjour à tous et bienvenue, j'espère que vous allez bien en ce samedi à Oupey, étape très vitaminée comme on l'a dit, puisque Oupey est la commune la plus vitaminée, la plus fruitée on va dire, de Wallonie. C'est en effet la commune qui présente le taux de productivité fruitière le plus élevé en Wallonie. Ça c'est une chose au niveau d'un ingrédient essentiel pour que tout se déroule bien. Ajoutez-y du soleil, parce que c'est le cas aujourd'hui, ajoutez-y du beau monde, comme chaque samedi sur le beau vélo de Ravel, ainsi que plein de vélos, et puis deux animateurs en chemise bleue pour les emmener au gré de ces 29 km. Adrien, bonjour. Bonjour Sylvie, bleu comme le ciel au-dessus de la Basse-Meuse. C'est vrai que le soleil a revêtu son plus beau maillot jaune. Un petit clin d'œil à Greg Van Avermaet et à notre Olivier Colle régional, parce que c'est vrai, vous êtes du coin Olivier, on est en province de Liège. C'est clair qu'on en fait quelques-unes des étapes cette saison dans cette belle région de Liège, et comme Sylvie l'a déjà dit tout à l'heure, il y aura pas mal de fruits dans cette émission, et donc nous on va donner un peu de jus pour faire avancer nos bicyclettes cet après-midi. Et je crois qu'à propos de bicyclettes, vous en avez un qui en connaît un rayon. Ah oui, c'est un habitant d'Oupey qui a gagné 3 étapes du Tour de France, Michel Vreille, bonjour. Bonjour, bonjour. J'imagine que voir autant de vélos alors que le maillot jaune est sur les épaules d'un Belge, ça vous fait chaud au cœur. Ah ben oui, je ne m'attendais pas à avoir autant de cyclistes aujourd'hui. Ça. Dans votre commune, vous la connaissez bien, ce n'est pas le plat pays ici. Hein. Non, non, pas du tout, non, non. Il faut partir un peu vers le Limbourg pour avoir du plat pays. Rafraîchissez-nous la mémoire, Michel. En quelle année avez-vous gagné ces étapes du Tour de France? En 65, 67 et 73. Vous avez roulé aux côtés d'Eddy Merckx? Oui, oui, une bonne dizaine d'années, oui. Oui, oui, donc c'est un grand champion qui roule encore aujourd'hui. Moi? Oui. Non, malheureusement, j'ai attrapé quelque chose à mes jambes et je n'ai plus de force assez pour rouler en vélo. Mais vous venez soutenir le peloton. Du ben voilà, vélo. C'est ça. Ouais. Impeccable. Michel Vreille, très très bien. On est ravis de vous avoir avec nous. 4 fois 20 ans et toujours bon pied, bon oeil, malgré les petits accidents de la vie. Il a la pêche, il a la niaque. Et c'est l'occasion aussi, Sylvie, de saluer toutes les personnes à mobilité réduite qui vont faire ce beau vélo de Ravel. Parfois sur des vélos spécialement adaptés. Olivier, attention, vous êtes entouré de sorcières, des maquerelles. Oui, les maquerelles d'Iacou qui sont à côté de moi, qu'on retrouvera certainement tout à l'heure à notre halte Ravito dans le village de Accour. Je suis en compagnie du bourgmestre d'Oupey, Morledini, bonjour. Bonjour. Alors je suppose que vous avez tout fait pour qu'on ait la météo radieuse qu'on a cet après-midi. Hein. Très belle organisation de Vivacité et de Oupey pour la météo, comme vous le dites. Alors, c'est à vous que reviendra l'honneur de donner le départ de cette étape. On va bientôt enfiler nos bicyclettes. Vous allez faire les 30 km en notre compagnie aujourd'hui après-midi. Je vais regarder à la télévision et je vais écouter à la radio pour ne rien perdre de la journée. Évidemment, parce que ça se joue, comme vous l'avez très bien dit, en radio, en télé, demain après l'étape du Tour de France. Donc vous aurez le 15 avant, de ouais, 17 et juste avant le week-end sportif. Donc ce sera un dimanche hyper vitaminé. Hein, vous l'avez dit, Sylvie, sur à la fois Vivacité et la Une Télé. C'est parti en effet pour 29 km dans une ambiance populaire. Et on aime bien finalement d'avoir cette ambiance-là au départ. Comme ça, ça rallie toutes les troupes. Comme je l'ai dit aussi, nous irons d'île en île aujourd'hui. L'île de France, Garenne, l'île Robinson. Nous nous souviendrons qu'Hermal sous Argenteau avait des allures d'Hermal les Bains. Ce sera une émission 100% médecin du monde. On aura l'occasion d'en parler depuis ce magnifique château. Ce magnifique château d'Oupey, un ensemble qui accueille de nombreuses manifestations culturelles tout au long de l'année. On aura l'occasion de vous le dire. La musique nous accompagne tout cet après-midi. Voici Ellie Goulding sur Viva en ce samedi ensoleillé. On en profite. You're the color of my blood. You're the cure. You're the pain. You're the only thing I want to touch. Never knew that it could mean so much. So much. You're the fear. I don't care. I've never been so high. Follow me through the dark. Let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life. To life. So love me like you do. La la, love me like you do. Love me like you do. every inch of your skin is a holy grail I've got to find. Only you can set my heart on fire. On fire. Yeah, I'll let you set the pace. 'Cause I'm not thinking straight. My head's spinning around. I can't see clear no more. What are you waiting for? On avait besoin encore de ce petit coup de chaleur en plus. Ellie Goulding sur Viva, bande originale du film 50 nuances de Grey. Nous sommes à Upaye aujourd'hui avec tous les ingrédients nécessaires à l'accomplissement d'une magnifique étape. Étape qui va vous faire découvrir aussi la Meuse à vélo. Et je pense que vous y êtes, Olivier. Le premier itinéraire cyclable de longue distance. Oui. On n'est pas encore arrivé jusqu'à la Meuse, mais je peux vous dire qu'on n'a pas encore donné le moindre coup de pédale depuis qu'on est parti. Vous descendez. Oui, ce qui veut dire qu'à un moment donné, on va devoir remonter tout ça. Je crois que ça se passera du côté d'Orle-Romain, au bord des vignes, tout à l'heure. En attendant, c'est un itinéraire plutôt plat, au bord du canal Albert, le Trilogiport et la Meuse qui nous attend. Et je vous présente celui qui est dans mon dos et que donc, par définition, je ne vois pas. C'est Bernard Jacquemin. Bonjour Bernard. Bonjour Olivier. Alors vous êtes ici à la commune d'Upaye, à la fois photographe, animateur culturel. Vous occupez de la com. Donc, c'est ça. C'est résumé, c'est bien résumé, voilà. Et aujourd'hui, vous allez nous servir de guide, notamment pour vous parler. Nous parler de votre commune et surtout de ce fameux château qui est dans le dos de Sylvie. Ah là, on vient de le quitter il y a quelques instants, un château qui a appartenu à Jean Cursus. C'est un munitionnaire il a racheté le château en 1600. Et alors, il a donné son nom au musée. Absolument, c'est le même, oui, qui a fait construire un véritable palais près de Liège, au bord de la Meuse. Et c'est lui qui a aussi racheté le château d'Upaye qu'on vient de quitter en 1600. Alors, comment est-ce qu'il faisait pour avoir autant de palais, Gaillard ? Eh bien, c'était le businessman de l'époque. En fait, il était marchand d'armes et il avait le privilège d'avoir le monopole de la vente de la poudre à l'époque où la Belgique était espagnole. Donc, c'était une espèce de Donald Trump de l'époque, quoi. Oui, la comparaison est un petit peu osée. Oui. Mais voilà, ça nous prouve. Le gars, en tout cas, il faisait du business avec les armes. Avec les armes et la poudre à canon, exactement. Et l'Espagne de l'époque était plus vaste que l'Espagne de maintenant, évidemment. Ah oui, oui, oui. Ça mange jusqu'à chez nous. Hein. C'est ça, oui. Bon, en fait, c'était ici les Pays-Bas espagnols qu'on appelait ça. Pendant le siècle d'or espagnol, entre 1550 et 1650, plus ou moins. Et ce château, c'est vraiment le poumon d'Upaye ? Oui, c'est le poumon, c'est aussi le centre d'activité culturelle. Ici, il passe plein de choses, quoi, des concerts, des spectacles pour enfants, un festival hip-hop au mois de septembre. Il y a toutes les semaines, en fait, en gros, il se passe quelque chose d'assez intéressant. Voilà. C'est un peu notre centre culturel. Voilà, c'est là que se passe tout, et y compris le départ du beau vélo, et on a un cadre. Il faut quand même le décrire, hein, ce cadre, Sylvie, qui nous accueille. On est dans un parc légèrement en pente, arboré. Ce château à l'arrière de l'immense scène du beau vélo, ça donne un cachet, ça me rappelle un petit peu le grand départ de Joël l'année dernière. On est dans le même style de patrimoine, et on adore ce genre de site pour donner le départ. Et vous, moi j'en profite. Ah oui, parce que j'ai vu sur ce château pendant 3 heures, pendant que vous êtes sur vos vélos. Et vous allez tester la tyrolienne aussi, hein, qui descend de la tour de château. Peut-être bien, parce qu'en effet, c'est une animation de plus qui s'est rajoutée à toutes les animations déjà en place. Et vous avez bien fait avec votre invité de parler de ces manifestations ici en direct du château. Il y a plein de choses. Je vois qu'il y a un Art Street Festival en mois de septembre, le Salon du Temps Libre. Il y aura une Feria Andalusia. Et en ce moment, dans le cadre du beau vélo de Ravel à Oupey, il y a une exposition autour du vélo qui se tient jusqu'au 17 juillet dans la tour du château. Donc vous avez toutes les bonnes raisons pour revenir voir ce château un petit peu Sylvie, plus tard. Ouais. Vous nous parliez tout à l'heure du canal Albert et de la Meuse. Bah, ça y est, on vient vous d'arriver à hauteur du canal qu'on va longer rive gauche jusqu'à Accours, et puis on va aller de l'autre côté de celui-ci. La prochaine demi-heure de l'émission risque d'être bien aquatique. Parfait, la Meuse à vélo, je rappelle, parce que c'est mentionné aussi dans le livre du beau vélo de Ravel concernant l'étape d'aujourd'hui, qui est le premier itinéraire cyclable de longue distance signalé en Wallonie. Bon, on continue, vous à pédaler, moi à profiter de l'endroit, et tous nos auditeurs à nous écouter. À tout de suite. Vanessa Paradis avec Divine Idylle. C'est un divin duo sur votre tandem, Adrien, puisque vous allez nous présenter la personne qui vous accompagne. Oui, Martin Charlier, comédien qui a grandi ici en province de Liège, entre Verviers et Herve. J'ai envie de dire bienvenue mon paye à Oupay. Comment ça va? Ça va bien Adrien, qui le veille ici? Quelle affaire Alice? Ouais, c'est ton affaire. Oh, ça, y a, c'est chaud, c'est chaud. On dit ici c'est chaud boulet, hein, pas boulette. Ouais c'est ça, c'est chaud boulet et des fois c'est chaud boulet la paix, mais en fait c'est encore autre chose. Je vois que la défaite des diables n'a pas entamé votre morale. On vous connaît surtout à travers le personnage de Kiki l'innocent. Vous en avez évidemment beaucoup d'autres, mais allez, on tourne la page au lecteur. Oui, mais c'est un peu grâce à toi que je tourne la page, parce que tu me fais faire de l'exercice, sinon j'étais en dépression, figure-toi. Hein. Tu tournes la page, mais tu tournes aussi les mollets. Hein. Voilà, exactement, il me fait faire du sport, la Priette. Tu sais, moi j'ai choisi d'être supporter, j'ai choisi mon camp, hein. Normalement c'est avec une bière devant la TV. Hein. c'est vrai, parce que généralement les chroniqueurs sportifs, ils sont plus chroniqueurs que sportifs. Exactement. Et j'essaye de bien articuler, un chroniqueur. Hein. Oui, évidemment. Hein. Mais tu te serais trompé, t'aurais fourché, ce serait vrai aussi. Oui, d'accord. Merci Martin en tout cas. Mais de rien. Avec nous, ici le long du... C'est le canal Albert ici, hein? Oui, c'est le canal Albert, hein, confirme. Oui, d'accord, c'est pas la Meuse. On va passer sur le pont d'Hermal et puis on ira après, Sylvie, visiter le Trilogiport. Tout à fait. Voilà encore une curiosité, un bâtiment très spécial, un peu futuriste, que vous allez aussi nous présenter. La station d'épuration de Liège, Oupay, qui est la plus grande de Wallonie. En attendant, allô l'espace, j'ai envie de dire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous attend à l'Eurospace Center? C'est vous Jean-Marc Dessert. Bonjour. Oui, bonjour Sylvie. Je suis donc ici à la limite entre les frontières, entre les provinces de Namur et de Luxembourg. Nous sommes à Transine et j'ai en face de moi Jean-Marcel Thomas, le directeur de l'Eurospace Center. Bonjour Jean-Marcel. Bonjour. Alors, un directeur heureux en ce samedi après-midi, va bien? Tout à fait heureux puisque nous allons avoir une soirée extraordinaire ici à l'Eurospace Center. Ce sera une première pour l'Eurospace Center, c'est Allô l'espace. Ça démarre tout à l'heure sur le coup de 16h avec pas mal de choses au programme, on peut peut-être les rappeler. Beaucoup d'animation en effet ce soir, des conférences bien sûr, parce que la question est de savoir est-ce que nous sommes tout seuls ou est-ce qu'il y en a d'autres ici dans l'espace, dans notre galaxie et au-delà avec nous. Et puis bien sûr des jeux, des animations, des spectacles pour toute la famille bien sûr à l'Eurospace Center ce soir dès 16h. C'est ouvert à tout le monde, hein. Faut pas être un grand scientifique pour participer à ces conférences, pour participer à cet événement. Tout est de la vulgarisation, donc tout est à la portée de tout le monde. À partir de 6 ans, on est le bienvenu ce soir ici à l'Eurospace Center. Il y aura des animations pour les plus petits, des spectacles, il y aura même du grimage, des choses comme cela. Mais il y aura aussi des blank tests au niveau sonore, mais des blank tests au niveau visuel aussi, puisque nous aurons un orchestre ici qui va imiter, qui va présenter des chansons de différentes films et chansons toutes courtes de science-fiction. Voilà, exactement, qu'il faudra retrouver. L'entrée est fixée à combien pour ce soir? Alors l'entrée est fixée à 5€ pour ce soir et 10€ pour les adultes. Voilà. Et donc l'Eurospace Center, c'est le côté visite, mais on peut également faire des stages ici. Oui, tout à fait. L'Eurospace Center est aussi un centre éducationnel. Ce n'est pas qu'un centre d'une visite d'un seul jour. C'est un centre éducationnel dans lequel nous faisons des stages. Nous avons une capacité ici de 210 lits et nous accueillons plus de 34 nationalités différentes qui viennent faire des stages de un jour à une semaine à l'Eurospace Center. Alors, ils sont nombreux, ces stages. Il y a les traditionnels Space Camp, Rocket Camp, Astro Camp, Earth Camp. Et cette année, nous avons une nouveauté puisque nous réalisons deux nouveaux types de stages. Un stage mix qui s'appelle le Drone Camp, que nous réalisons avec Espace Drone. Et puis un dernier stage qui est une toute grande nouveauté, qui est un Sat Camp. C'est un satellite camp où les jeunes vont pouvoir construire le satellite eux-mêmes. Ils vont pouvoir le gérer et faire la télémétrie, c'est-à-dire le contact entre le satellite et le sol quand il sera levé à plus de 300 mètres d'altitude avec un drone d'ailleurs. Oui, donc pas mal de choses pour ces stages, pas mal de choses à faire ici donc à l'Eurospace Center et on vous invite à venir nous rejoindre. Ça débute tout à l'heure à 16h, mais l'Eurospace Center est ouvert, hein, donc les visites traditionnelles peuvent encore se faire cet après-midi et puis les festivités, les activités démarrent sur le coup de 16h, le 411, la sortie 24, 411 direction Luxembourg. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup Jean-Marc Dessert. On vous rejoint un petit peu plus tard évidemment tout au long de cet après-midi pour voir un petit peu comment ça avance au niveau des animations là-bas à l'Eurospace pour ce grand événement Allô l'espace. My soul is running on a path that I cannot reach. My brain is turning and my head is hurting. Every day a little bit more. The light is fading now. My force is being sucked by your bloody leech. My fear is smiling and my dread is singing. Every night a little bit more. I cannot see anything. I am. Avenir sur Vivacité en direct d'Oupay. Nous sommes aujourd'hui en Basse-Meuse pour cette troisième étape du beau vélo de Ravel. Il sera question aussi dans quelques instants, à mon avis, Olivier ou Adrien, nous parlerons de cette balade des cerisiers, cette belle boucle de 31 km qui permet aux vélotouristes de découvrir les charmes de la Basse-Meuse. Mais la direction, le Tour de France en direct, Pierre Capard, vous y êtes, huitième étape dans les Pyrénées où vous avez, à mon avis, les mêmes conditions météo que les nôtres. Bonjour Pierre. Bonjour Sylvie, probablement et sans transition on passe de la Basse-Meuse aux Hautes-Pyrénées et effectivement il fait très chaud ici, soleil, plein soleil, un ciel tout bleu pour cette huitième étape du Tour de France. Il va faire chaud pour les coureurs qui vont devoir franchir plusieurs cols dont le célèbre Tourmalet, un col hors catégorie, étape de 184 km entre Pau et Bagnères-de-Luchon où nous nous trouvons. Luchon, Sylvie, c'est une belle station touristique de montagne, la doyenne des stations des Pyrénées. Bien connu pour son eau, sa station thermale, son casino, et c'est aussi à la ville d'Edmond Rostand, l'auteur de Cyrano de Bergerac, ville culturelle donc, puisque Gustave Flaubert, autre écrivain français de renom, y a séjourné. Alors j'aurais pu vous parler des thermes, de l'eau ou de Rostand, mais j'ai décidé, Sylvie, de vous parler de gastronomie avec le gâteau à la broche. C'est la spécialité de Bagnères-de-Luchon, et plus précisément du village d'Eau, ici tout près. Et pour nous en parler, Dominique Rive, bien connu sur la place du marché, sa spécialité c'est le gâteau à la broche et vous allez l'entendre, pour lui c'est avant tout une passion. Alors le gâteau à la broche, c'est notre gâteau de fête, c'est notre dessert pour les grandes cérémonies. Et donc, c'est de la tradition. Alors, c'est quoi le gâteau à la broche? C'est un cône en bois qui est sur une broche, donc gâteau à la broche. Et nous, on l'appelle aussi rocher des Pyrénées. Donc, pour fabriquer le gâteau à la broche, à la cheminée, on posait la broche avec son cône en bois sur les chenets dans la cheminée où il y avait des petits crochets. Et au fur et à mesure que le gâteau grandissait, on le passait au crochet supérieur pour pas qu'il touche, bien sûr, la plaque de la cheminée ou les braises ou la cendre. Voilà. Donc, alors, deux personnes, un tourneur qui fait tourner le cône en bois par sa broche et qui fait dorer toutes les couches de pâte. Donc au préalable, ce cône en bois, on l'habille de papier sulfurisé. Et là, après, on fait chauffer le cône à la cheminée. Et quand le cône est à température, on laisse tomber un peu de pâte, voir si elle accroche sur le papier. Et aussitôt qu'elle accroche, eh bien, on démarre la fabrication du gâteau à la broche. Donc une couche de pâte, un filet de pâte très fin qui coule sur le gâteau. Et après, on fait dorer cette couche de pâte. Et une fois qu'elle est dorée, eh bien on remet une autre couche, et ainsi de suite, pendant des heures, suivant la grosseur du moule. Et ça met l'eau à la bouche, évidemment, ça a l'air super bon. Ah là, c'est extra, c'est extra. Alors, donc, ça, c'est la fabrication authentique, comme nos parents nous ont enseigné. Parce que les traditions dans les villages, toutes les traditions étaient enseignées, et quand il y avait une grande fête, les enfants qui voulaient apprendre à tourner le gâteau ou laisser tomber de la pâte, on les laissait faire, et c'est comme ça que la tradition s'est perpétuée. Alors, deuxième personne, cette personne qui s'occupe de tourner le tourneur, et qui fait dorer les couches de pâte, et qui fait les pointes. Toutes ces petites pointes, c'est le tourneur qui les fait aussitôt quand la deuxième personne pose la pâte. Uniquement que quand on dépose la pâte, on tourne de plus ou moins vite et ces gouttelettes vont s'étirer et ça va faire les petites pointes. Voilà. C'est ce qui fait vraiment toute son originalité. Un bel emballage, en plus, c'est super voilà, beau à regarder. Les aiguilles, toutes ces aiguilles. Et la deuxième personne, donc, elle pose la pâte. Alors, la pâte, il faut la laisser poser un petit filet très mince, mais régulièrement sur tout le cône pendant 2 ou 3 ou 4 heures suivant la grosseur. Et faire le feu. Alors, on fabrique le gâteau à la broche, beaucoup à la flamme, aussi à la braise, mais toujours avec du bois très sec devant. Ça prend beaucoup, beaucoup de temps et il faut être amoureux de ce gâteau à la broche pour arriver à faire toujours cette fabrication artisanale comme nous la faisons au village de Haut. Voilà, il en parle bien, il est passionné, c'est tout un savoir-faire. Dominique Rive, et le gâteau à la broche, Sylvie, n'a désormais plus de secret pour vous. Et ni pour nous. Quel bel accent. Ah, j'adore, ah, j'adore. Moi, je peux vous faire découvrir mes spécialités ici à Oupey, hein, parce que je viens de faire mes petites emplettes. On connaît l'accent de Liège. Je le connais bien. Non, est-ce que vous connaissez cette nouvelle variété de pommes qui s'appelle la Coxibelle, qui a été créée par le Centre de Recherche Agronomique de Jean Blouz? Eh bien, je peux vous assurer qu'il y a du jus 100% naturel de Coxibelle que je vous recommande. Voilà, voilà. Et puis, il y aura aussi la ferme du Bêche. On aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec la Bêchette, la fameuse bière à la fraise de Mille Morts. Tout ça fait partie de nos produits régionaux. Merci Pierre. On vous retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes en direct de Oupey et ça continue bien sûr. Ça ne fait d'ailleurs que commencer. Je suis une cruche percée de plus. J'ai la peau craquelée depuis toi desséchée. Quand vient la lune et le vent frais, par habitude, je te cherche sur le canapé. Dieu qu'elle est loin, la nuit de liesse. J'ai trouvé ta main bien avant la tristesse. Tu me traquais, tu m'avais vu, tu m'as pris au collier. Et mon cou, tu l'as tordu. Sans moi, non, je ne t'en veux pas. Si va la vie, enfin, surtout la tienne, je m'abrutis à jouer les fontaines. Mais t'es pas là, mais t'es où? Mais t'es pas là. De sa présence l'année dernière, puisqu'il était là, ici, avec nous, sur une de nos étapes du beau vélo en cette édition de l'année dernière, tout simplement. Alors, c'est vrai que vous savez que vous n'êtes pas là, Olivier et Adrien, je m'en fais une raison jusqu'à 16h, mais je suis tellement bien entourée ici au château d'Oupeil avec des animations extraordinaires. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Quelque chose me dit que vous avez des gamins à vélo dans le peloton, Adrien. Ben oui, puisqu'on est quelque part sur les lieux du tournage de ce film, hein, Le Gamin au vélo, film des frères Dardenne, primé en 2011 au Festival de Cannes. Et ce film a été tourné précisément ici. Et c'est marrant parce que je suis justement à côté d'un gamin à vélo avec une tenue de foot. C'est normal, il était avec Kiki l'Innocent. Quel est ton prénom ? Maël. Maël, tu as quel âge ? 10 ans. Tu viens d'où ? Landenne. Ça te plaît bien cette balade? Ouais, impeccable. T'as le maillot de quel club? À Barcelone. Bah, me semblait bien, parce que je vois rouge et bleu, je me suis dit c'est fou, le bleu peuplier joie. Ça pourrait être, hein, Martin Charlier. Ouais, tout à fait, hein, mais j'aime bien aussi le FC Liège, il faut savoir ça. Mais enfin, il ne faut pas le crier trop haut, parce que sinon, il y a des supporters qui vont vouloir ma peau. Des supporters des rouges? Oui, voilà. Ouais. Et même ceux du FC Liège, s'ils savaient que je les ai trahis. Oui, oui. Puis ce matin, c'est bien, on prenait notre petit déjeuner avec Frédéric Wassège. Hein. Ah oui, qui est vraiment un ami, hein, Fred. Ouais. Inscrit au football club de Liège à 6 ans. Ben oui, il est avec un père pareil, forcément, c'est logique. Hein. Ben oui. Robert, qu'on salue d'ailleurs, c'est un fidèle auditeur de Vivacité, lui qui a coaché les Diables Rouges, entre autres, au Mondial en 2002 au, exactement, au Japon. Il a fait des très, très belles... Très belles campagnes. Ouais. Robert, toujours bon pied, bon oeil. Hein. C'est bien. Le sport, ça conserve. C'est pour ça que vous êtes supporter, en fait. Oui, voilà, c'est ça. C'est ça, je suis supporter pour ça, moi, pour en faire le moins possible. Non. Je fais régulièrement un petit peu de natation, un peu de mini-foot. Du vélo, c'est assez rare, mais là, voilà, aujourd'hui, très, très bien. C'est, voilà, je fais fonctionner des muscles dont j'ignorais l'existence. Ouais. Alors, Olivier Kolb, vous savez quelle est la formation de Martin? Mais je l'ai appris tout à l'heure et ça m'a étonné quand même. Ben, finalement, parce que moi pas trop, parce que pour être traducteur, parce que pour imiter des accents, apprendre des langues, ça aide Martin, non? Ben exactement, d'ailleurs le mot interprète va aussi bien à quelqu'un qui traduit qu'à quelqu'un qui est sur scène, hein, d'ailleurs. Voilà, j'ai trouvé le chez non manquant, si vous voulez. Est-ce que vous pourriez, sans offusquer nos amis liégeois, nous faire un petit accent de Liège et par exemple un accent de Herve, est-ce que c'est le même? Oui, il y a beaucoup de similitudes, mais c'est surtout dans les expressions qui sont très différentes. Par exemple, une expression fabuleuse qui est à Liège, moi, ma préférée, préféré, c'est par exemple, regarde un peu la sale tache que t'as fait sur ta robe. Oh, ce n'est pas grave, je la rouerai. Moi, du verbe ravoir. Et j'ai même quelqu'un qui m'a déjà demandé la tache là, est-ce que tu la ras? Et il a duré longtemps avant de comprendre ça. Et alors, il y a les petites expressions, tu vois, par exemple, pour dire qu'on en a gros sur le cœur ou quoi, on dit oh, il m'en est. Tu vois? Ah oui. Et alors, tu vois, par exemple, oh, je voyais la gamine qui pleurait dans la rue, je me faisais mal pour elle, il m'en était. D'accord. On ne comprend rien. Moi, je comprends tout ce que. C'est vrai? Non, mais tu comprends tout ce que je dis. Ou bien, qui est-ce qui a mangé du gâteau? Oh, ce n'est pas moi, je n'ai pas été autour. J'ai l'impression que tu parles français, en fait. Oui, oui. Mais c'est comme ça qu'on parle, c'est les autres qui ont un accent. Mais alors, pour les sportifs, par exemple, ici, on ne joue pas au basket. Non, on joue basket. Ah. Et surtout pas prononcer le T. Hein. On joue basket comme on joue poulets, ou on joue tennis. Tennis, ah oui. On joue tennis, d'accord. Mais écoutez, c'est savoureux. Savoureux d'en apprendre sur les accents et puis sur les richesses naturelles que l'on longe. Et effectivement. Ici, la gravière du Broc, Olivier. Oui, on est passé juste à côté. Hein. C'est au sud du Trilogiport, Bernard. Oui, c'est vrai. On vient de passer la gravière Broc. C'est une ancienne, comme le nom l'a dit, c'est une ancienne carrière où on estrayait jusqu'à pas très longtemps du gravier. Et alors, c'est converti en zone naturelle. Exactement. En réserve, mais en zone. En ce c'est une zone naturelle. Il y a plein d'oiseaux. On trouve des hérons, des canards colverts. Des petits patapons. Et alors, une grosse colonie de castors aussi. Ça, c'est assez amusant. On peut les voir en fin de journée qui rentrent dans leur. Est-ce qu'ils technique. Ont des boulots pour se faire les dents? Il y a aussi des boulots, effectivement. Mais c'est un petit peu embêtant parce qu'ils rongent tous les arbres qui leur tombent sous la dent. Sinon, leurs dents poussent de trop, évidemment. C'est une région sinistrée, il n'y a plus de boulot. Oh, joli. Excellent. Alors, on est passé, Bernard, du canal Albert à la Meuse. Alors, maintenant. On est sur la rive gauche de la Meuse, exactement. Et on va bientôt passer en dessous du tout nouveau pont de l'Europe, hein, qui a été inauguré il y a quelques mois. Par le roi Philippe. Par le roi Philippe, exactement. En même temps que le Trilogiport. Dans le Trilogiport, alors c'est une zone qui est fort industrielle, évidemment, mais il y a aussi tout le tiers nord de ce Trilogiport qui va être réservé à une zone d'activité de loisirs. Alors, oui. Il y a d'abord le Ravel qui a été superbement placé dans ce Trilogiport. On l'a déplacé légèrement, mais c'est du billard pour les vélos. On vient de passer c'est très agréable, à cet endroit. Et puis, il y aura aussi toute une zone dédiée au sport nautique et plein d'autres activités. C'est ça. Ouais, des zones qui sont très bien écrites dans le livre du Beauvélo de Ravel, et on salue son auteur Frédéric Thiébault, un livre paru cet été aux éditions RTBF. Oui, riche, ma chère Sylvie. Merci beaucoup. Alors qu'il s'en passe des choses dans le peloton, il s'en passe aussi des choses ici, grâce à nos animations. Il y a donc cette tyrolienne qui vous permet de partir de la haute tour du château jusqu'à terre, jusqu'à nous. Donc vous pourrez en profiter. Il y a ces villages pour enfants, et puis il y a aussi notre partenaire Lidl qui est là chaque semaine pour vous permettre peut-être de remporter, pourquoi pas, un caddie gratuit, valeur 50 €. Vous devez mettre des prix sur des produits que vous voyez et ensuite tourner une roue, et sur cette roue vous pourrez peut-être gagner ce bon d'achat de 50 €. Voilà pour nos animations. Bruno Mars pour nous accompagner, dernière chanson de cette première heure ici en direct d'Oupay. Le voici, Bruno Mars dans les oreilles. Merci de nous avoir rejoints. Et puis tout à l'heure, il y aura bien entendu aussi les artistes qui vont se produire en showcase ici en direct d'Oupay sous le soleil. Swimming in your world, something. sur Vivacité en showcase tout à l'heure sur la scène ici du Beau Vélo de Ravel en direct d'Oupaye. Bastian Baker qui est déjà des nôtres. Il y aura aussi la bande à Lolo qui vous, à mon avis, mettront le feu. Et si vous n'êtes pas avec nous en direct, vous aurez l'occasion de les réécouter un petit peu plus tard. L'info à suivre, ne bougez pas. Le Beau Vélo de Ravel sur Vivacité. En commandant dans ces cas-là, je ne perds rien au change, sauf le fait de prendre quelques rayons de soleil sur ma peau. C'est ce que vous faites en ce moment avec tous les ravelistes qui ont choisi cette étape à Oupaye. C'est vrai que je le disais aussi, on va d'île en île et pourtant on y va à vélo, puisque vous venez de quitter Visée, je pense, Adrien. Oui, on a mis les voiles au port de Plaisance où on vient de croiser Martin Charlier, un conducteur fantôme. Oui, c'est quand même marrant, ça, c'est quand même dangereux de parler temps qui court. Hein. Oui, qui remonte le peloton sur un vélo couché. C'est voilà, c'est ça. Kamikaze Olivier, Col, on a fait du slalom, on l'a évité, mais on le signale à la queue du peloton. Hein. Oui, exactement, on a évité pour ceux qui nous écoutent là derrière. On va repasser maintenant sur le pont sur lequel on est déjà passé dans l'autre sens tout à l'heure. On a fini de sillonner le canal Albert et la Meuse et on est passé, on l'a dit, par la cité de Loix, comme on la surnomme, Bernard. Visée, la cité de Loix, qui est aussi la dernière petite ville au bord de Meuse avant la Hollande, c'est la ville frontalière. Voilà, avec les fameux bulbes de l'hôtel de ville, la collégiale Saint-Adelaide également. Et Adrien, vous avez failli vous faire becter justement par la figure de proue de cette ville, puisqu'il y avait des oies sur notre droite, sur le plan de Plaisance où elles ont l'habitude de se rassembler. Et là maintenant, Sylvie, nous prenons la direction d'Accourt. Par on est pont. En avance sur le programme, puisque la halte Ravito est déjà dans notre point de mire. Sur le souffle, je suis pas à court d'haleine. Eh ben bravo, parce que ça va concerner en effet nos candidats aujourd'hui. Il y a toujours ce beau voyage en Provence à gagner, bien sûr, à remporter. Et il y aura aussi la possibilité pour ceux qui nous écoutent de le faire. On le dira tout à l'heure, on vous expliquera un petit peu les règles du jeu pour remporter ce voyage dans le Luberon, magnifique échappée belle qu'on vous propose donc en Provence cette année. Voilà, si vous souhaitez encore une fois venir nous rejoindre via ce grand site qui vous attend, c'est facile. Oupaye, nous sommes là-bas en Basse-Meuse et tout est indiqué. Donc vraiment, les parkings sont à votre disposition si vous souhaitez venir nous faire un petit coucou. Et si vous voulez le faire aussi via des images, via des vidéos, eh bien allez voir sur notre page Facebook. Tout est en ligne depuis ce matin pour vous permettre de suivre cela. Il y aura aussi notre émission télé demain à 17h55. Attention, 17h55 demain, l'émission télé du Beau Vélo de Ravel. Voilà tout ce qu'on vous propose en coulisses pour fêter cette troisième étape, la première étape ensoleillée de cet été 2016. Voici la musique avec Gérald De Palma, c'est le jour de nos fiançailles. Je prends les choses comme elles viennent, sans jamais trop me poser de questions. Je suis trop fort pour qu'on me retienne. Je suis un guerrier, un centurion. J'aime nager derrière la barrière de corail pour mieux voir l'horizon. J'ai pas peur de me jeter dans la bataille. Demain je danserai au son du canon. Au son du canon. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Croyais que j'étais du bon côté, les autres en face avaient tort. En tout cas, c'est ce que disait l'opinion quand elle ouvrait sa grande gueule. Un jour vivant, mais demain je serai mort. Ma jolie fiancée va se retrouver seule. Se retrouver seule. Roule-moi une pelle, saute-moi au cou. Embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. On vit le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Mes parents pleurent, ils ont la haine. laisse-les parler, ils ont tant de peine. C'est avec les honneurs qu'on m'enterre. Roule-moi une paire, saute-moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Le jour de nos fiançailles. Saute-moi au cou, embrasse-moi avant que je m'en aille. Tu sais, on va pas se voir beaucoup. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Je veux m'en souvenir, je veux marquer le coup. Je veux m'en souvenir. Ne faisons pas dans le détail. Je veux qu'on fasse l'amour comme des fous. Je m'en vais le jour de nos fiançailles. Gérald de Palmas avec le jour de nos fiançailles en ce samedi après-midi sous le soleil. Le vôtre évidemment en particulier là où vous êtes en Wallonie à Bruxelles. Le nôtre ici à Oupey. C'est notre étape du jour. On vous fera découvrir des produits locaux. On vous fera découvrir des animations. On vous fera aussi découvrir nos deux candidats du jour et un quiz culturel qui les attend à la halte ravitaillement comme on l'appelle. C'est dans pas longtemps. Dans pas longtemps, ne bougez pas. Le beau vélo de Ravel. Le beau vélo de Ravel qui s'est installé depuis ce matin à Oupey, ici en direct du château. Et c'est une tradition maintenant qu'on essaie de respecter. Il y a chaque semaine un partenaire essentiel. Nous avons eu les sentiers de grande randonnée. C'était la première étape à la Calamine. Et nous avons aujourd'hui signé, on va dire, une collaboration avec Médecins du Monde que vous représentez. Jonathan Ardenne, bonjour, bonjour. Bienvenue. Vous avez votre stand ici, juste devant nous. Alors, nous sommes un peu tous médecins du monde. Et c'est un peu comme ça que j'ai envie de vous lancer. Parce que c'est vrai que quand on voit afficher votre association dans des participations, quelles qu'elles soient, participation active, participation un peu plus passive, on se dit, oh, ça ne me concerne pas. C'est peut-être, voilà, j'ai pas un rôle à jouer. Et c'est un peu pour ça que vous êtes là, Jonathan. Pour rappeler un petit peu que nous sommes un peu tous médecins du monde. C'est ça, oui. En fait, on est là pour rappeler à tout le monde qu'on est tous médecins du monde, que nos projets sont là pour aider toutes les personnes, en fait, qui n'ont pas accès aux soins. Donc, ça peut être beaucoup de profils différents, on va dire, des personnes qui n'ont pas de papier, des personnes qui n'ont pas de domicile, des personnes qui n'ont pas accès à la mutuelle pour une raison ou pour une autre. Oui. Et donc nous, on est là pour aider toutes ces personnes à du coup avoir accès aux soins de santé. Voilà, c'est vrai qu'il y a le militantisme hein, de nombreuses de personnes. Il y a des bénévoles, il y a des volontaires, il y a des salariés, bien sûr. Vous garantissez donc la qualité de vos actions à travers le monde. Et c'est vrai que Médecins du Monde mène des programmes un petit peu partout et on n'est pas toujours au courant non plus de ce qui se fait sur place. Non, c'est ça en fait. Donc Médecins du Monde, on a des programmes dans le monde entier. Donc on a des programmes en République démocratique du Congo, oui, en Haïti, au Mali, en Tunisie, et on a aussi des programmes en Belgique. Donc c'est vraiment, on agit vraiment ici et ailleurs, comme on aime le dire. Comment est-ce qu'on peut s'engager? Parce que c'est ça aussi finalement, c'est de créer une grande solidarité. Hein, le beau vélo de Ravel crée cette solidarité. Donc c'est pour ça que des programmes comme les vôtres s'inscrivent dans notre action aussi. Et c'est un petit peu l'interaction qui doit se faire. Comment est-ce que on doit s'engager? Qu'est-ce que vous dites aux personnes qui viennent feuilleter un petit peu les choses que vous avez à voir sur votre stand? Mais alors pour s'engager, il y a plein de manières différentes. Donc si vous voulez vraiment vous engager pour Médecins du Monde, on a toujours quelque chose qui vous convient. Donc il y a évidemment, vous pouvez soit tout simplement faire un don qui viendra soutenir nos projets. Vous pouvez également, si vous avez des capacités qui peuvent nous intéresser, si vous êtes médecin, si vous êtes infirmière, si vous avez d'autres possibilités, que vous avez du temps à nous donner, et ben on est aussi toujours intéressé à l'idée d'avoir des bénévoles. Et voilà, enfin, vous pouvez éventuellement passer sur notre stand ou passer sur notre site internet médecinsdumonde.be. Et là, il y a toujours, on cherche toujours des bénévoles, on a des projets, on a des parrainages à faire pour différentes choses. Donc, il y a toujours moyen d'aider, quels que soient les moyens, quels que soient ce qu'on veut donner. Quel que soit l'âge, quelles que soient les classes sociales, aussi, ouais, même comme vous l'avez dit, si on n'est pas de toute façon mêlé, si on n'a pas professionnellement mêlé à une profession qui révèle de la, qui relève de la médecine. Exactement, oui. Il y a moyen vraiment d'aider de toutes les manières différentes. Et donc, il faut vraiment, vraiment visiter notre site internet. Mais je vais le faire. Si je suis allée voir. Et en effet, il y a des exemples, il y a des photos en disant « Ils ont fait, médecins du monde, qui sont-ils ?» Et là, on présente en effet des militants, des personnes engagées. On vous propose de partir à la découverte de celles et ceux qui font de l'engagement le moteur du changement social. Parce qu'on le répète évidemment de plus en plus, mais le changement passe par là. En effet, les pays qui s'ouvrent de plus en plus, il y a pas mal de stands aussi à vos côtés, hein, d'échanges interculturels. Culturel, donc tout ça finalement est extrêmement lié. Exactement, oui, et on a vraiment des gens qui font tout et n'importe quoi pour nous, et donc c'est vraiment, on a beaucoup de personnes qui organisent des fêtes, qui organisent des soupers, qui organisent des échanges. Quelles sont les questions qu'on vous pose le plus, par exemple, les personnes qui viennent vous voir ? Le plus, c'est un peu de savoir vraiment quels sont nos projets à l'étranger, parce qu'on est vraiment le plus connu, enfin, on va dire en tout cas ces derniers temps, pour nos projets en Belgique. Oui. Et donc, nos projets à l'étranger sont aussi un peu plus, disons, dans l'interrogation. Donc, du coup, on est plus dans l'explication de ce qu'on fait à l'étranger, qui finalement est assez similaire à ce qu'on fait en Belgique, dans des contextes très différents, évidemment, selon les différents pays. Merci, Jonathan. Vous êtes attaché de presse de Médecins du Monde ? Tout à fait, oui. Absolument. Jonathan Ardenne, et vous pouvez pas rater le stand Médecins du Monde. C'est près de notre studio, là où on se trouve en ce moment. Étape spéciale Médecins du Monde, ici à Oupeye. Donc c'est vraiment l'occasion peut-être de vous engager d'une façon bénévole, pourquoi pas, puisque toutes les possibilités d'engagement à leur côté vous sont proposées et sont possibles. Alors on continue en musique, le temps de retrouver Olivier et Adrien, l'Alte Ravitaillement à Court, avec nos candidats, avec ce soleil bien présent, et ça ouvre tout de suite de plus belles perspectives. Il n'y a rien à faire, les sourires sont affichés sur tous les visages. Voici Anastasia sur Vivacité en ce samedi après-midi. On vous souhaite excellent, bien entendu. Should've known, 'cause you brought nothing real. Come on. Anastasia en ce samedi après-midi, alors que le soleil brille un peu partout et qu'on en profite et que vous êtes très très nombreux à en profiter de votre côté comme d'une autre, bien entendu, ici à Oupey. La halte ravitaillement, ça veut dire à mi-parcours grosso modo de ces 29 km. On s'arrête gentiment, on profite des activités qui sont organisées. Si je vous dis Olivier Coll, tous pour un pour tous. Alors, on va faire... j'allais vous le dire, D'Artagnan évidemment, oui. Les mousquetaires, nous allons nous plonger d'Oupey en Gascogne, de cette ferme d'Artagnan où nous sommes, à Lupiac, où est née cette légende des caps et d'épée, évidemment. Et je suis avec Marc Botti pour nous en parler. Bonjour Marc. Bonjour. Alors, vous êtes le responsable de cette ferme d'Artagnan, qui est juste à côté de nous, en fait. Oui, c'est en quelque sorte. Oui, mais je suis ici un petit peu par hasard. On m'a demandé de passer. Et comme il fallait parler un petit peu de la route d'Artagnan, mais je crois que c'est vraiment le moment de lancer ce projet qui, en 2017, aura bien une belle position dans notre commune. C'est déjà plus qu'un projet, parce que je vois une carte là-bas qui va permettre aux cavaliers de parcourir presque 1000 km sur les traces de D'Artagnan. Exactement. Mais donc, repartons au départ. C'est aussi autorisé pour les cyclistes, pour les gens à pied également. Donc c'est un chemin qui va être ouvert à tous. Mais c'est la première route européenne et même, paraît-il, du niveau mondial qui sera préparée pour des cavaliers. Alors les cavaliers partiront de différents endroits, notamment de Lupiac, où est né D'Artagnan, pour venir où il est mort, au siège de Maastricht. Alors vous allez me demander, mais pourquoi cette ferme s'appelle la ferme d'Artagnan? Parce que vous faites du foie gras de canard ici. Absolument. Vos premiers canards venaient du Gers. Voilà, quand on a commencé il y a 20 ans, nos premiers cantons venaient du Gers, où est né D'Artagnan. Et comme on savait que D'Artagnan était mort à Maastricht, on a dit on va donner le nom de ferme d'Artagnan. Ce qui nous amène aujourd'hui d'être sur la route d'Artagnan et d'être ici, le dernier poste avant, où toutes les routes vont converger, avant d'arriver à Maastricht. Quelle belle histoire finalement. Mais c'est une histoire très belle. Et l'histoire, alors on ne sait pas si elle est vérifiée, mais il paraîtrait que D'Artagnan aurait passé sa toute dernière nuit avant de son destin funeste à Maastricht, dans la région, peut-être même dans cette ferme. Ça c'est bien possible, il faudrait peut-être un petit peu consulter encore quelques archives, mais on cherche. Mais c'est une très belle histoire, et de toute façon il faut toujours la romancer, puisque après D'Artagnan il a bien vécu, mais il y a quand même eu le fameux comment l'appelle-t-on encore, je ne retombe pas sur son nom maintenant, mais bref, on a fait tout un film, on fait toujours des films, et finalement ce mousquetaire est toujours dans notre âme, est toujours présent, et dans quelques temps vous entendrez les sabots des chevaux battre notre belle commune d'Oupey pour arriver à la ferme avec un revêtement particulier évidemment pour les sabots, absolument, hein, parce que anti-bruit, voilà, il ne faut pas être sur de l'asphalte ou du béton. Il y a 30% de route dure autorisée, le restant ce sont des chemins de campagne carrément. Marc Botti, vous rengainez votre fleuret s'il vous plaît. Oui. Et moi je vais sur fond de musique Bandas, Sylvie, aller faire un tour du côté de nos beaux héros du Ravel. Oui. Mangeurs de bananes, hein. Bonjour, comment vous trouvez cette première partie? Super belle, magnifique. Les mollets ont été épargnés, ça va un peu grimper après, hein. C'est ce que je lui ai dit, hein. Je lui ai dit la descente ça va, mais la montée je crois qu'on va souffrir. On prend une bonne banane, un bon spa, et à mon avis ça va le faire. À mon avis ça va vous servir dans la suite, effectivement. Alors quelqu'un qui ne lâche pas son vélo, vous restez à côté de votre vélo en permanence. Ah ouais, et ce vélo comme ça on le lâche pas. Alors, hein. C'est vite vite volé, hein. Alors vélo et assistance électrique, ils sont de plus en plus nombreux sur le beau vélo de Ravel. Vous croisez des gens qui utilisent ce type de vélo à vos côtés de plus en plus souvent maintenant? Oui, beaucoup, de plus en plus. Mais le problème, beaucoup ils savent pas bien rouler avec le vélo électrique. Ah bah vous allez leur donner des petites leçons alors. Ah moi je veux bien moi. Bah c'est bien, il faut s'entraider sur le beau vélo, ça fait partie des ingrédients de la fête également. Allez, on va aller vers quelqu'un qui a mis une drôle de perruque et le t-shirt orange de l'étape. Bonjour. Oui, bonjour. C'est quoi cette tif là? Ah je ne sais pas, c'est parce que bon j'ai pas eu mon rendez-vous de coiffeur, c'est dans 2 mois et j'ai pas su avoir un rendez-vous le plus près que ça, et puis voilà ce qui arrive. Vous voulez gagner le prix folklorique de l'après-midi? Ah non, je veux rien gagner, moi je veux de l'ambiance et de l'amusement et de la gaieté à tout le monde. Voilà. Et ça on a une dose, hein, cet après-midi. C'est vrai, avec le soleil. C'est magnifique. Non, c'est gentil, Maria. Alors que Maya l'abeille vient de me tendre une banane que je saisis avec plaisir, Sylvie. Voilà pour un peu de l'ambiance sur cette halte ravito ici à Accourt, où, comme l'a dit Adrien tout à l'heure, nous sommes loin d'être à court d'haleine, mais pas à court de bananes non plus. Et à court de kiwis, ça c'est en ce qui me concerne, puisqu'avec notre partenaire Esprit ici, on a aussi des kiwis jaunes et des kiwis verts qui sont distribués et qui font le bonheur de tous, autant les petits que les grands. On vous laisse déguster cette belle ambiance accordéonesque. Merci. Et on se retrouve dans quelques instants pour le quiz. On fera aussi un petit détour par le Tour de France. They say, Emma, you don't understand. You will need a helping hand. They say, Emma, you're so way too young. Just be quiet, bite your tongue. Maybe I should listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. All I need is time to figure this all out. And why am I waiting on the other side? And why do you say I'm wrong when you know I'm right? I need looking up first and a Chinese first and a fortune cookie on rainy days. And I say say, Emma, you will make it far, but only by being who you are. So I say, let them talk and don't be shy. Emma, keep your head up high. I no longer listen to the ones who say there's only black and white and only one right way. Give me some time and I'll figure it out. Tour de France 2016. Ce samedi 9 juillet, 8e étape. 184 km en montagne entre Pau et Bagnères-de-Luchon. Voilà, un peu rapide la fin des Mabal, la fin de la chanson. Mais que voulez-vous, mon cher Samuel? Il y a plein de monde ici à Oupey. Et donc, on papote à gauche, à droite. Vous êtes dans les Hautes-Pyrénées, et de nombreux coureurs sont lâchés dans le Tour Malais. Apprend jeu à l'instant, Samuel. Oui, donc Greg Van Avermaet, le maillot jaune belge qui ne portera plus ce beau maillot, mais on s'y attendait évidemment. Van Avermaet qui a décidé de monter à son rythme le Tourmalet. Il fait chaud, c'est très long. Van Avermaet n'est pas un pur grimpeur, il sait donc qu'il risque de s'étouffer tout simplement s'il a décidé de s'accrocher à Froome, à Quintana et aux meilleurs grimpeurs du monde. Van Avermaet a donc pris une sage décision en se laissant décrocher. Le grand écrémage a donc commencé dans ce col de Tourmalet, cet interminable col pyrénéen, l'un des plus importants, des plus mythiques du Tour de France, qu'il emprunte aujourd'hui pour la 85e fois de l'histoire. C'est un véritable monument. La première fois, c'était en 1910 à l'occasion de l'étape Perpignan-Luchon remportée par Octave Lapize. Cette année, le Tourmalet est le premier col hors catégorie franchi, et coïncidence ou pas, Rafał Majka se trouve dans la bonne échappée, lui qui était passé en tête au sommet l'année dernière lors de son succès d'étape à Kotré. Le champion de Pologne, Majka, un équipier d'Alberto Contador à Chetinkov, est accompagné de Thibaut Pinot qui était largué hier dans l'Aubisque de façon inexplicable et toujours inexpliquée par son entourage et qui a retrouvé, semble-t-il, de l'allant aujourd'hui. Majka Pinot et un certain Tony Martin, l'ex triple champion du monde du contre-la-montre. On nous l'a dit, affûté, motivé par les étapes de moyenne montagne. On est aujourd'hui en haute montagne, mais Tony Martin se sent poussé des ailes. L'Allemand d'Etix Quickstep qui a rattrapé en deux temps Maika et Pinot. Ils sont donc trois devant avec 2 minutes 20 d'avance sur un groupe d'une quarantaine, 50 coureurs maximum où l'on retrouve les principaux favoris, sauf Alaphilippe qui a lâché prise, lui qui a déjà perdu son maillot blanc. Il est annoncé à 4 minutes, sauf Nibali qui lui aussi a lâché prise, mais ça n'est pas une surprise. Nibali qui a promis qu'il se mettra à plat ventre pour son jeune équipier. Fabio Aru lâché également, Galopin, mais aussi le maillot à poids belge. Thomas De Gendt, sera peut-être une mauvaise journée, Sylvie, pour le cyclisme belge, parce que De Gendt va sans doute perdre son maillot à poids et Van Avermaet va sans doute perdre son maillot jaune. Eh ben oui, on s'en doute évidemment. La suite tout à l'heure, et pourquoi pas un revirement de situation dans les prochains jours. Merci Samuel Grulois, on vous retrouve un petit peu plus tard. Nous sommes donc en direct d'Oupay, nous tous, moi ici en studio évidemment, avec tous les producteurs locaux, avec toutes les associations locales, avec tout ce qu'il y a lieu de savoir sur la région, avec tous les auditeurs qui ne roulent pas mais qui sont là tout simplement pour faire la fête avec ce qui va suivre. Et vous êtes à Accours, Olivier, Adrien, avec les deux candidats. Et vous allez départager, en tout cas au niveau culturellement parlant, l'une des deux. Ah oui, culture avec un grand C ou avec un petit C, parce qu'on n'a pas peur de mélanger les genres, avec Aurélie et Mégane, parce que nos deux candidats sont des candidates. C'est comme ça qu'on présentait les candidates à l'époque. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors comment ça se passe depuis ce matin? Très bien. Alors, vous venez de Blaton, vous avez fait de la route pour venir découvrir cette belle région d'Oupay. Une découverte pour vous vraiment? Oui, je ne connaissais pas du tout. Vous êtes débarqué dans cette région il y a combien de jours pour préparer cette émission? Combien de jours? Oui. Aujourd'hui. Ah, aujourd'hui seulement? D'accord. Alors, dit que vous avez changé de boulot et que ça, oui. Vous avez réussi à vous organiser pour quand même parmi nous, ça n'a pas empiété sur l'étude pour pouvoir faire un score aujourd'hui, j'espère. On a fait ce qu'on veut. D'accord. Bon, et ben voilà, parfois ça suffit. On verra si ça suffit face à Mégane qui a l'air décontracte, cool, relax. Mégane, vous avez été sélectionnée par la commune d'Oupay. Oui. Présentez-vous en deux, trois mots. J'ai 20 ans. Ouais. Je suis en première bibliothécaire documentaliste. J'habite à Hermal. Donc je suis tout prêt pour... je connais la région. Voilà. Ah bah, j'espère qu'Aurélie aura à bien étudier également cette région qu'elle découvre donc aujourd'hui à bicyclette et qu'elle trouve déjà très belle. Maintenant, ça ne suffira pas de contempler le panorama. Il va falloir répondre aux questions. Les buzzers sont devant vous, les filles. On va démarrer le chronomètre. Ce sera parti pour 120 secondes de questions. Et à vous d'y répondre le plus rapidement possible en prenant la main par ce buzzer. Le tapis et le décompte pour les questions, c'est quand on veut. C'est parti. Avec quelle localité des Côtes d'A... Alors c'est pour Aurélie. Erquy. Erquy, bonne réponse. Quel est le point culminant du Luberon? Le point culminant du Luberon, c'est pour personne. Le dimanche, quelle émission de Vivacité replace les grands événements de l'histoire autour des grands succès musicaux? Le dimanche, le nom de l'émission du dimanche qui replace les... Aurélie top. Ce n'est pas ça. De quel canton suisse Bastian Becker est-il originaire? La Lausanne. Non. Quel canton suisse? C'est pas le Lausanne, c'est quand? Ce n'est pas ça. Quel village de l'entité d'Oupay était renommé pour ses chapeliers? Tentative de réponse mécane. Oui, Outa, c'est bon. En quelle année les côtes du Luberon sont-elles devenues une appellation d'origine contrôlée? En quelle année? C'est pour personne non plus. Sur combien d'hectares le site du Trilogiport s'étend-il? Aurélie. 118. Oui. À Saint-Martin-de-Brome, quel ouvrage défensif classé monument historique est reconnu comme l'un des plus beaux ouvrages d'architecture militaire des Hautes-de-Haute-Provence? À Saint-Martin-de-Brome, c'est pour personne. À quelle date précise l'activité de la ligne vicinale 581 a-t-elle définitivement disparu? Quelle date précise? Il me faut le jour, le mois, l'année. Eh bien, j'aurai aucun des trois. Quelle émission est animée tous les soirs de la semaine sur Viva par Régine Dubois? C'est très tard le soir. Régine Dubois à l'anime. Aurélie? Non. Tout de suite, non, droit de réponse. Ce ne sera pas pour Mégane non plus. À Hermal sous Argenteau, quel site est classé Natura 2000? Et c'est pour Aurélie. Tout de suite. Non, droit de réponse pour Mégane. Droit de réponse. L'Elmo? Oh. Ouais. Bon, on verra ce qu'ils nous disent au niveau des juges arbitres. Quel est le titre du dernier album de Bastian Becker? Le dernier album de celui qui sera sur scène tout à l'heure. Facing Canyon. Oui, bonne réponse. Quel film des frères Dardenne a été en partie tourné le long du... C'est pour Aurélie encore. Gamin au vélo. Bonne réponse. Dans quelle localité de Luberon se trouve la chapelle Saint-Sauveur construite au XVIIe siècle? Par les Templiers. Et pas de réponse sur celle-là. Heureusement qu'on a fait quelques points sur la fin. 12e siècle, voilà. Alors, après ce battage de questions, les sensations à chaud, et c'est le cas de le dire pour Aurélie qui se fait un petit signe. Vous avez transpiré, Aurélie ? Un petit peu. Oui. Et malgré tout, j'ai l'impression que vous aviez pas mal étudié. Oui. Hein. On va voir ce que ça donne au débrief. Mégane, sentiment à chaud également ? Ça va. Un peu stressé, deux jours. Alors, il vous restera. Il y a eu l'épreuve sportive ce matin. Vous avez fait quoi ce matin ? On a fait du football avec des grosses bulles. Ça s'appelle du kinball, je crois. Et tout à l'heure, vous allez faire le pump track, qui est cette dernière épreuve à vélo, avant de vous donner le verdict. Ce sera dans le studio de Vivacité, aux alentours de 16h30. Merci, à tout à l'heure. Merci, à tantôt. Et on va, dans un instant, Sylvie, rejoindre Adrien, parler gourmandise avec le chef que vous verrez demain sur le coup de 17h30 dans l'émission en télé. Avant ça, vous allez, je suppose, nous balancer un petit peu de musique quand même. Absolument. Absolument. Je balance. Pendant que Bastian Baker est déjà en train de signer quelques autographes. Là aussi, je balance. Voilà, il est là. Oui. Il est là. Mais il ne s'en balance pas. On le prend en photo. Comment ? Il ne s'en balance pas. Il ne s'en balance pas, absolument. Il apprécie énormément. Nous aurons tout à l'heure le groupe Delta aussi en showcase sur la scène ici du beau vélo de Ravel. Delta, Bastian Baker. Voilà, ce showcase Joker Plus qu'on vous proposera donc à partir de 16h. Voici Anne Silla et Le Monde tourne sans toi. C'est le titre de la chanson. Il faudrait que j'arrête de dire que je vais arrêter. Il faudrait que je permette au vide de venir m'habiter. Il faudrait que j'apprenne à compter combien de fois j'ai dit qu'il n'y avait plus rien. Et combien de fois je me suis menti. Le monde tourne sans toi. Et plus je joue, plus je perds. Je voudrais tellement tomber par terre. Il faudrait que ta bouche ne sois pas mon unique raison et que beauté en touche. Ne sois pas ma seule réaction. Il faudrait que j'inonde de sombres couleurs tes souvenirs et que je dise à tout le monde que t'es plus là, mais je sais pas le dire. Il faudrait que je revienne quand je pars m'égarer dans tes draps et que je me souvienne avoir envie de toi. Il faudrait que je trace les routes que j'ai jamais osées. Il faudrait que j'efface toutes celles qu'on avait dessinées. Le monde tourne sans toi. Et plus je joue, tellement tomber par terre. Une artiste qu'on apprécie énormément, évidemment, sur Vivacité. Elle est de passage dans notre programmation musicale à Oupeil, ici. C'est Anne Silla. Avec Le Monde Tourne Sans Toi, elle sera en concert au BSF dans le cadre de la soirée à la Française le 11 août prochain. Voilà pour la suite des événements musicaux. Les prochains, vous le savez aussi, c'est Bastian Baker, c'est le groupe Delta. C'est la bande à Lolo aussi qui seront des nôtres tout à l'heure pour nos showcases avec le soutien du Joker Plus. À partir de 16h ici à Oupeil et sous le soleil, bien entendu, on ne s'en prive pas aujourd'hui. Vivacité. Le beau vélo de Ravel, c'est au Vivacité. 29 km ici à Oupeil. La petite boucle Adeps, évidemment, on ne l'oublie pas. Pour ceux et celles qui auraient le plaisir de nous retrouver pour la première fois dans les prochaines semaines, il y a toujours cette petite boucle donc qui vous permet en famille de faire quelques kilomètres. Et puis à l'arrivée et même à l'altre ravitaillement, même en milieu de parcours, il y a toujours ces produits locaux qu'on vous invite à déguster. Et vous en salivez souvent, bien sûr, Adrien, quand vous nous racontez ce que vous avez pu déguster là-bas. Ça se passe bien ? Alors, oui, ça se passe très très bien parce qu'on est à côté de la ferme d'Artagnan à Accourt et les bons produits de cette ferme ont été préparés par Jérémy Le Sen, le chef de l'auberge du comte de Mercy à côté. On est d'ailleurs passé devant l'auberge. Jérémy, c'est une prouesse parce que servir dans des conditions pareilles à autant de monde en même temps. C'était un petit peu. Ça a commencé avec des emporte-pièces et puis pour finir, c'était un petit peu à la bonne franquette. Hein. C'est sportif, hein ? Sportif, oui. Ouais. J'étais tous les gens autour de moi à la cuillère comme ça, mais tout s'est bien passé, c'était ouais. Super, un bon moment, du soleil. Là je reprends mon service tout à l'heure, j'ai 60 réservés et c'est que du bonheur. Ouais, et ici vous avez servi des centaines de petites assiettes avec une salade qui porte un prénom assez sympa. Salade de Nassienne, c'est la salade de ma mère. Avec des haricots extra fins, écrevisses, artichauts, des champignons, mayonnaise détendue, jus de truffe, fond de volaille et huile de noix et une petite touche de vinaigre de Xérès et une petite tranche de foie gras sur le dessus. Oui, presque voilà. Poêlé parce qu'il fait chaud. Mais avec la chaleur, c'est dur, oui, non. Alors, Donatienne Le Sel, avoir comme ça une salade à son nom préparée par son fiston, c'est sympa quand même. Oui, c'est très sympa. Bon, il continue un peu la tradition de mon mari, de Robert. Disons qu'à notre carte, on a les classiques immuables en souvenir de lui. Et puis alors, il y a la cuisine du marché. Mon fils s'exprime dans ses menus du marché. Ouais, menu du terroir. Les menus qui changent tous les mois. Oui, voilà. Ouais, c'est bien. Je me fais un petit peu comme ça le curieux. Je sais que notre équipe a logé chez vous cette nuit. Ils ont été sages ? Ah oui, très très sages et très sympathiques. Ils ont fait la fermeture avec moi. Juste une chose, ils ont été mangés à l'autobus, pas au compte de Merci. D'accord. J'ai été les voir à la terrasse. J'aurais dit, non, j'ai discuté avec eux. Je leur ai dit, pas au compte de Merci à l'autobus. Ah là, je suis vexé. D'accord. Non, mais ils ont bien mangé à l'autobus. Voilà. D'accord. On y va régulièrement aussi. D'accord. Mais il faut que le soleil brille pour tout le monde, ouais, évidemment. Eh bien, écoutez, on vous souhaite un très, très bon week-end. On vous remercie d'avoir servi, d'avoir ravitaillé nos troupes ici. Ouais. C'était un plaisir, voilà. Sur la commune. On aurait pu en faire plus, mais bon, c'était le temps. Enfin, on n'avait pas le temps. Ouais. Non, déjà comme ça servir autant de monde. Troupe, ouais. Quelle troupe, hein. Oui. Bonne continuation. Olivier, vous êtes déjà sur votre vélo pour la deuxième partie de la balade. On vous attend pour repartir de plus belle et vers un paysage qui sera un petit peu plus, on va pas dire montagneux, mais fait de quelques collines, ça va onduler. Avec Bernard qui est toujours derrière moi. Bernard, un petit mot quand même sur Accourt où, comme à Hermal tout à l'heure, il y a une tradition de Cramignons notamment. Oui, il y a les Faut expliquer un peu pour ceux qui connaissent absolument pas ce que c'est. Alors, les Cramignons, c'est une grande. Tradition folklorique en Basse-Meuse qui consiste en d'immenses sarabandes de gens qui dansent tout au long de l'après-midi, tout au long de la soirée, et qui sont répartis en deux groupes, le groupe des rouges et le groupe des bleus. C'est une connotation politique, ça ? Bien sûr, oui. Ah, en fait, c'est ça. Ça remonte à l'époque du début de la Belgique en 1830, où alors les rouges symbolisaient les catholiques et les bleus, les libéraux. Alors, il y a toujours une ancienne divergence entre ces deux groupements-là. Et alors, c'est à celui qui réunit le plus de couples dans son groupe qui gagne, et voilà. À propos de rouge, c'est assez drôle parce que parce qu'on a perdu Martin Charlier. Okay. À mon avis, il est au stand. Vous voyez un stand où on sert de la bière. D'accord. Ah, mais je vais aller le chercher là-bas. Voilà, allez chercher là-bas. Et pendant ce temps-là, peut-être un petit mot aussi sur les fameuses maquereaux qui nous ont. C'est une autre tradition folklorique très importante à Accourt. Les maquereaux de Accourt. Ben, pour ceux qui ne connaissent pas le wallon, les maquereaux, ben, ce sont des sorcières. Et alors, ça fait référence, ce groupe folklorique, à la présence de sorcières sur le territoire de Accourt, qui jetaient évidemment des mauvais sorts. Alors aujourd'hui, ben, y a un groupement folklorique qui reprend un peu cette idée-là. Et alors chaque année, le samedi le plus proche de la Chandeleur, c'est-à-dire 40 jours après Noël, plus ou moins, on intronise des personnalités de la commune, des artistes, ça peut être des sportifs célèbres, etc., qui sont intronisés au sein de la confrérie des maquereaux. Ça a un lien avec le carnaval aussi, quand même? Comment? Ça a un lien avec le carnaval? Non, ce n'est le carnaval. Il y a aussi un carnaval à Accourt, mais qui a une autre date. Il y a le sabbat des maquereaux, ça c'est vraiment la fête spécifique des maquereaux qui se situe toujours 40 jours après Noël. C'est le sabbat des maquereaux, la Chandeleur. Voilà. En tout cas, félicitations, Olivier, parce que vous aviez le défunt. C'est là que je l'ai retrouvé à la buvette. C'est vrai? Oui, Martin, oui, Charlier. On connaît nos invités quand même. Ben, oui, j'étais en train de boire une bière, moi. Ben, oui, il faut se déshydrater, c'est important. Enfin, s'hydrater. Oui, c'est parce que j'avais une petite gueule de bois et on m'a dit quand c'est comme ça, il faut boire une bière dessus. Ça marche. C'est des techniques d'alcoolique, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ça promet pour la deuxième partie de la balade. Oui, surtout enfin, il a pris du combustible. Oui, c'est la plus sportive. Hein. On a mangé jusqu'à présent notre pain blanc. Je peux vous dire que la deuxième partie, c'est le vallonné. On dirait même qu'on va boire le vin jusqu'à la Lys. Le calice jusqu'à la Lys, c'est vrai. Tout près des vignobles de la coopérative des vins de Liège, dont nous parlerons tout à l'heure. Sylvie, oui. et donnez-nous du tempo avec un peu de musique, peut-être. Et puis, on vous fait écho des premières côtes de cet après-midi dans un instant. D'accord. Bah, écoutez, moi, j'ai une autre proposition. Vous allez remonter sur vos montures. Et puis, dans quelques instants, c'est Sixpence Non The Rich qui va vous accompagner dans les oreilles. Je peux vous assurer que ce sera du rythme comme vous en voulez. À tout de suite. Sleep out of the bearded bar. Kiss Me Sixpence None Richer sur Vivacité en ce samedi après-midi à Oupay. J'ai envie de vous faire, tiens, de vous dresser un petit listing de tous les stands qui m'entourent ici dans ce magnifique parc du château. Si vous aimez les fruits, alors là vous allez en avoir pour votre argent selon l'appellation, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de produits qui vous sont présentés sans sucre ajouté, avec des bonbons artisanaux au sirop de liège, aussi la ferme du Bêche que j'ai découvert, qui vous permettra de découvrir le vrai goût du poulet. Et puis cette bière à la fraise de Mille Morts qui s'appelle la Béchette, avec la cueillette du jour. Je peux vous assurer qu'il y a des fraises qui vous sont vendues, j'en ai jamais vu d'aussi grosses, donc c'est ici évidemment qu'on les trouve, et vous pourrez peut-être trouver les coordonnées par la suite grâce à la PAC W, parce que chaque semaine il y a des producteurs locaux directement donc invités par la PAC W qui vous proposent leurs produits locaux. Il y a des jus de fruits naturels aussi, l'exploitation Leclerc notamment de Neuchâteau, et j'y ai découvert le jus de Coxibel, qui est une nouvelle variété de pommes créée par le centre de recherche agronomique de Gembloux, en croisant d'anciennes pommes avec de nouvelles pommes. Voilà notamment ce qu'il y a lieu de déguster ici à Oupay. On se dirige tout simplement et tout doucement vers l'information. Le flash de 15h arrive. 13h, 17h, le beau vélo de Ravel sur Vivacité. Ce que je laisse, c'est à contre-cœur. Mais un ailleurs m'appelle envers et contre tout. Je sais ce que je blesse, je vois leur douleur. Mais j'en ferai une force qui me suivra partout. Comme un pont levis. Jeunesse est faite d'erreurs, qu'on en paye un jour les revers et contre-coups. Mais à quoi sert qu'on naisse, à quoi sert qu'on meure, sans avoir vécu ses rêves, même les plus. Olivier Dion avec De mes propres ailes sur Vivacité. Vous êtes reparti normalement. Le plus dur, à mon avis, reste à venir. Comment ça se passe, Adrien? Ça se passe plutôt bien. On est à Heure-le-Romain. Et on est à l'heure. Oui, et on passe à l'instant même devant la salle des Rouches. Les Rouches, ah, évidemment, hein. R-O-U-C-H-E-S. Ça veut dire rouge en liégeois, Saint-Martin Charlier. Exactement, hein. Rouge, il faut avoir fait traduction, hein, pour pouvoir passer du liégeois au français en permanence. D'accord. Vous pouvez nous refaire votre cri de guerre, celui de Kiki l'innocent? Oui, hein. Voilà. J'ai jamais eu besoin d'en acheter, moi. Tout ça en pédalant, ben vous ne manquez pas d'air, c'est magnifique. Olivier, nous sommes dans une région riche de traditions. Il y a des moulins aussi, des rivières. J'ai tendance à dire qu'on faisait tout le qui entraînait ces moulins à l'époque. Nous sommes en train de longer dans la vallée de l'Az, un ruisseau qui ça s'écrit A-A-Z. C'est un petit ruisseau qui prend sa source à Hermé, qui se jette à Visé dans la Meuse. Un petit ruisseau, mais qui est suffisamment puissant que pour alimenter plein de moulins. Et alors, les gens de Heure-le-Romain, ils avaient un surnom aussi. Ah oui, alors en Wallon, on les appelle les Croitis. Alors ça veut dire quoi, les Croitis? C'est les gens, c'est du Wallon de Liège, bien entendu. Et bien, ce sont les gens qui travaillent dans la craie, qui travaillent dans les extractions de craie. Et parce qu'il y a des trous partout. Alors, ça oui, ben, voilà, il y a des mines de craie, c'est pas des mines en fait, c'est des carrières de craie. Et alors, ben, tout le village est entouré de carrières qui sont maintenant. On les exploite plus, sauf une à l'occasion. Moi, je connais bien le village aussi pour sa fameuse fanfare bandas, parce qu'il y a une vraie tradition de fanfare bandas. Il y a les Oumpapa Ben du côté de Visé, il y a ici la Bandeur. La Bandeur, exactement. À l'époque, il y avait un festival à Dahlem qui a fait qu'on avait un peu un peu comme on l'a fait avec la ferme d'Artagnan tout à l'heure, entre la Gascogne et la région d'Oupay, il y avait aussi un lien par la musique à l'époque. Oui, alors c'est une très bonne bandas, puisqu'ils ont gagné le festival international de bandas de Condon en France. Condon dans le Gers. Justement. Non, exactement. Voilà, et on a déjà eu à deux occasions, Adrien, le son de ces fameux bandas, tout à l'heure avec les macrales au départ, et puis aussi avec le Zen Band à la Ultra Vito. Absolument, nous sommes rue de Houtin, en sortant maintenant du village d'Heure-le-Romain, Sylvie, en direction d'Houtin, célèbre pour ses chapeliers, ses beaux chapeaux. Porté entre autres par Maurice Chevalier, absolument. Et c'est vrai qu'on fait la fête au chapeau ici, on fait la fête tout simplement et tout court à Oupay, parce que j'ai à côté de moi le président d'Oupay en fête, Cédric Bayard, avec cette ASBL Oupay en fête créée en 2007, qui organise une grande fête, Cédric, oui, à partir exact. Du 29 septembre. Que tout va-t-il se passer? Ah ben voilà, la fête en fait c'est 4 jours. Le premier jour, le jeudi 29, nous avons le warm-up, donc une ambiance bandas où on accueille les comités voisins, les sympathisants, pour démarrer la fête. Le vendredi 30 septembre, nous avons notre soirée concert tribute, nous avons des reprises de Cranberries, Coldplay, In Excess ou Balavoine. Oui. Et puis alors, ça se poursuit le week-end, le samedi après-midi avec les Highland Games, qui sont des célèbres jeux écossais, uniques dans la région et uniques en Wallonie surtout, où des groupes de hommes comme femmes viennent un peu se tester au tir à la corde, au porté de baril. Voilà, il y a toute une après-midi sur la place Jean Huba, où là on voit vraiment la force et le mental des gens à toute épreuve. Et alors enfin, le dimanche 2 octobre, nous avons le folklore local, le réveil au tambour. Ça, c'est un folklore qui est vraiment ancré dans les mentalités ici en région d'Oupay. Et puis alors après-midi, place aux enfants avec le spectacle de magie, d'Alex Rogan. Pas de vélo. On n'aura pas de place pour le vélo. Non, pas de vélo. Mais bon, voilà. Il y en a pour tous les goûts, mais pour oui. tous les styles, mais pas de vélo, non. Mais voilà, pour ceux et celles qui nous écoutent aujourd'hui, qui ne sont pas venus peut-être parce qu'ils n'ont pas envie de faire du vélo aujourd'hui, ils pourront revenir donc du 29 septembre au 2 octobre, place Jean Hubin à Oupay, avec ce comité de fête, Oupay en fête. Voilà. Oupay en fête, voilà. Ça dit bien ce que ça veut dire. Voilà, hein. Voilà, dans tout son sens et dans tout son terme. Oupay et en fête. Et à mon avis, oui. Si tous les membres du comité sont comme vous, vous n'êtes pas en reste. Bah, ça me fait donc, plaisir. Je vous remercie. Je vois ça tout simplement à votre sourire. Voilà, Oupay en fête, notez-le bien, du 29 septembre au 2 octobre. Musique dans quelques instants sur Viva. Et c'est même tout de suite avec Yaël Naïm que voici. Bon après-midi, quoi que vous fassiez, et j'espère que vous profitez du soleil aussi. Mistake. La la la la la la la la la. I've done, and why's everything so wrong? This is a happy end. Come and give me your hand, I'll take you far away. I'm a new soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and love feel, finding myself making every possible mistake. Qui s'inscrit aussi dans la programmation musicale de cet après-midi en direct d'Oupay, avec pas mal d'animations sous le soleil. Ici autour de nous, il y a notamment cette tyrolienne de la tour du château vers le parc. Il y a ce village pour enfants, ce Kids Village, qui est organisé chaque semaine avec des animations. Oh, c'est pour les enfants, mais je pense que les grands prennent aussi beaucoup de plaisir. Les grands qui sont sollicités par la Société Wallonne des Eaux, qui organise aussi le duel du flotteur. Il faut mettre des pièces une par une jusqu'à ce que ça coule, et celui qui fait couler évidemment le petit pot rempli de pièces a perdu et n'a pas gagné. Non, non. Et puis il y a aussi les animations Lidl. Chaque semaine, vous pouvez déguster de bons produits frais, de bons purs jus frais, et vous pourrez aussi tenter votre chance à la roue pour essayer de remporter votre caddie gratuit. 50 euros qui vous attendent. Alors on m'a dit qu'il y avait 6 chèques qui avaient été remportés la semaine dernière, 7 la semaine d'avant, et ce midi il n'y avait encore aucun chèque distribué, donc tout restait à faire cet après-midi. Sébastien Becker, dans quelques instants, qu'on saluera ici en direct, en studio, depuis le cœur du château d'Oupay. Le beau vélo de Ravel. Vivacité en direct d'Oupay avec du beau monde. Excusez-moi, hein. Beau monde, c'est pas vous, hein, Bastien. Si, c'est vous aussi. C'est vrai, merci. Vous allez bien ? Bien, et toi ? Ouais, super. Quand quelqu'un comme ça s'intéresse autant à la notion du temps qui passe, j'ai vu ça, hein, par rapport aux thématiques des chansons de l'album. On n'a pas le temps trop long ici cet après-midi, Bastien ? Non, le temps est bon, le temps est agréable, il fait beau, les gens s'amusent. Non, le temps est bon, temps est bon, on a le temps de le savourer. Et toutes celles-là sont venues pour toi, hein ? Oui, oui, elles sont charmantes et ravissantes. Bon, c'est vrai qu'il y a une vraie histoire d'amour avec la Belgique, la région liégeoise. Bon, voilà. Tu la connaissais déjà, hein, de toute façon. Bah oui, j'ai passé quand même pas mal de temps ici, surtout en marge de l'émission The Voice, quand j'étais juriste, il y a quoi, trois ans maintenant. Ouais. Une super expérience. Donc oui, j'ai plein d'amis, plein de lieux, plein de restaurants auxquels j'aime retourner, quoi. Et la question qu'on te pose toujours, c'est est-ce que tu gardes des liens ? Bon, je sais qu'il y a un vrai lien avec B.G. Scott, puisqu'il y a une collaboration aussi sur l'album. Exactement, sur une chanson qui s'appelle 2000 Years, qui est une chanson qu'on avait d'ailleurs écrite pendant The Voice, parce qu'on était B.G. et moi fervent jammer, quoi. C'est vrai qu'après chaque prime, on était un peu les deux derniers à rester debout et autour des guitares à écrire des chansons, à jouer des classiques. Et je suis super content d'avoir pu faire cette collaboration avec elle. C'est une chanson que j'adore jouer sur scène. Et je suis en train d'essayer de la convaincre de me rejoindre sur scène, notamment le 8 octobre prochain à la Madeleine. Ce serait une belle surprise si elle pouvait venir. On est en train d'essayer de faire ça. Pour aujourd'hui, c'est foutu. Pour aujourd'hui, elle ne sera pas là. Elle sera pas là. C'est justement une chanson qui parle de la relation au temps. Tu as une chanson un peu plus engagée aussi par rapport à Charlie Hebdo, aux attentats. Oui, c'est une chanson qui s'appelle Charlie from Sydney. Mmh. Alors c'est une chanson qui, on m'a fait remarquer ça, c'est un journaliste qui m'a fait remarquer ça, je lui étais très reconnaissant. C'était la première fois en fait que j'écrivais une chanson d'actualité, tout simplement. C'est une chanson qui parle des deux événements tragiques qui avaient un petit peu, c'est dur de le dire comme ça, mais qui avaient un peu lancé la série d'attentats qui se sont suivis dans l'année écoulée. Le premier à Sydney, dans le Café Lindt, et puis le second effectivement à Charlie Hebdo. Parce que voilà, c'est je veux dire, il y a pas d'idéologie derrière, il y a aucune revendication si ce n'est la haine gratuite et la bêtise, et du coup voilà, ça parle de ces gens qui se sont trouvés au mauvais moment, au mauvais endroit en fait, et il y a un côté super fataliste là-dedans, parce que chaque fois que ces événements se sont passés, Moi, au contraire, j'étais en train de passer un super moment. Quoi. Une ouais. fois, j'étais à Las Vegas, et puis la fois d'après, j'étais en Islande. Et c'est vrai, quoi, là, de regarder ces choses à la télé et de penser à toutes les familles, à tous ces gens qui sont touchés, c'était quelque chose de très dur pour moi. Et du coup, voilà, c'est vrai que à ce moment-là est né Charlie from Sydney. C'est ça. On oublie un peu tout ça, évidemment, dans cet événement populaire ici, en plein soleil, on va dire, hein, du beau vélo de Ravel. Enregistré à New York, ton album. Mixé à New York, principalement. Mixé, oui, pardon, ouais. Mais, mixé. Mais le mix représente quand même la partie, peut-être pour moi, la plus importante, parce que si tu peux avoir le meilleur enregistrement du monde, si le mix n'est pas bon, rien du travail qui a précédé ça ne ressortira. Donc le mix, j'ai la chance de travailler avec quelqu'un de très talentueux qui s'appelle Marc Platy, ouais. qui était notamment bassiste, guitariste pour David Bowie pendant des années, ouais. Qui est quelqu'un de formidable, qui va dans le détail et en finesse, notamment une chanson comme Charlie from Sydney, c'est quelqu'un, il a magnifié cette chanson à mon goût, donc voilà, c'est les avantages de connaître du monde, de voyager, de chaque jour agrandir son cercle de connaissances, c'est de pouvoir partager et travailler avec des gens de cette trempe. Bon, une découverte donc tout à l'heure sur scène, une découverte surtout en septembre, puisque l'album sort chez nous. En Suisse, il y a déjà un petit avantage. L'album est déjà sorti en Suisse, au Canada aussi, mais c'est vrai qu'on fait une sortie européenne en septembre, incluant bien sûr la Belgique, qui est, je le répéterai chaque fois, le pays peut-être où on aime le plus se produire, parce que chaque fois, c'est merveilleux, la réception du public, tout ce qui se passe ici, et chaque fois, juste des bons souvenirs. Donc, que ce soit moi ou mon équipe, on est chaque fois très content. Enfin, je cherche un mot pour grateful, mais on est très reconnaissant. On est très reconnaissant. Voilà. Reconnaissant. Et on est très bienveillant envers toi aussi, Bastien. C'est vrai que tu es un peu l'enfant chéri depuis ta relation avec The Voice, et qu'on tient à maintenir ce lien. Donc, c'est pour ça que tu as toujours une place privilégiée. Bon, on est en Suisse avec toi. On était à New York avec le mix. On est à Oupay. Et on part en France, tiens. Tour de France 2016. Ce samedi 9 juillet, 8e étape. 184 km en montagne, entre Pau et Bagnères-de-Luchon. Samuel Grulois, c'est à vous de nous donner des nouvelles du Tour, donc en ce moment précis. À 67 km de l'arrivée, Sylvie, le Tourmalet est derrière nous, mais les coureurs n'ont droit à aucun temps mort ce samedi, avec dans les 100 derniers kilomètres 4 descentes de col et 3 ascensions. Très peu de moments de récupération, car très peu de vallées entre les difficultés. Nous sommes d'ailleurs déjà dans la deuxième ascension du jour, le col de deuxième catégorie de la Ourquette dans 6 ans, monté pour la troisième fois seulement dans l'histoire du Tour, mais par un versant inédit, plus difficile, aux routes plus étroites, 8 km 200 à 5% de déclivité moyenne, un col qui mériterait sans doute d'être classé première catégorie, un col abordé en tête par 3 hommes, Rafał Majka, déjà vainqueur de 3 étapes sur la grande boucle, Thibaut Pinot, vainqueur de 2 étapes, et l'invité surprise Tony Martin, lauréat lui de 5 étapes. Il y a donc devant une fameuse dose de talent et d'expérience. Les principaux favoris, eux, sont annoncés à 1 minute 40 des favoris qui n'ont pas encore déclenché la grande bagarre, mais en ont-ils vraiment l'intention? C'est la question que Jérôme Elguers a posée au manager de l'équipe Sky, Dave Braceford. Merci Samuel, merci beaucoup. On vous retrouve tout à l'heure, bien sûr, dans le prochain Flash. Ça veut dire à 16h, en direct d'Oupay, avec nos showcases qui se préparent, avec le soutien de Joker Plus, vous l'avez entendu, donc Bastien Becker, le groupe Delta, et puis la bande à Lolo, qui seront là pour mettre le feu ici, même s'il y a déjà pas mal d'ambiance et de chaleur. Ça c'est clair, avec la météo qui est là depuis ce matin. You never and the Prick sur Vivacité, alors que la fête bat son plein, mais quand je parle de fête, je parle de vous et sur vos vélos. Apparemment, je viens juste d'entendre Olivier dire que j'allais que vous alliez déguster, mais j'ai absolument pas entendu le reste. Adrien, ben oui. Parce que je sais que vous allez parler de vin, mais pas que. Et oui, parce qu'il y a des coteaux, effectivement, qu'on est en train d'escalader. Un petit commentaire en direct de Martin Charlier. Et je ne saurais pas parler et pédaler en même temps, je pourrais là, hein, c'est le mot Ventoux ici. Oui, c'est vrai que c'est pire. C'est pire. Martin, moi je me régale depuis le début d'émission avec les accents du coin. Oui, exactement. Et parce qu'ici, j'ai cru percevoir des nuances entre l'accent de Liège et celui de Herve. C'est quoi la différence? Mais par exemple, à Herve, tu vois tous les noms qui viennent de l'italien qui se terminent par O, on dit O, et c'est ridicule. Donc c'est par exemple Bruno, comment vas-tu Bruno? Et Angelo, au votre cadero. Tu vois, c'est horrible. D'accord, et à Herve? Ah ben non, ça c'est à Herve. Ah d'accord. Non, et à Liège, ils ne font pas ça, hein. Mais à Liège, c'est simplement l'accent ici, hein, tu vois, va plus chercher de boulet gros, tu prends pas si de c'est plus violent. Alors moi j'ai quelqu'un qui prend très bien l'accent d'Aubel, mais il ne doit pas se forcer, il le fait au naturel, c'est Francis Huvin. Francis, on est ici sur une ancienne ligne vicinale. Oui, Adrien, sur l'ancienne ligne 581, et c'était l'accent les bourgeois, puisqu'elle reliait auparavant, de 1910 à 1959, Genk à Hersfeld, et tous les ouvriers. Les bourgeois ralliaient alors les charbonnages et les entreprises sidérurgiques de la vallée de la Meuse. D'accord. Alors, il faut des côtes, hein, Olivier, pour planter des vignes, pour l'exposition au soleil. Et il y a ici à Oupey plus de pieds de vignes que d'habitants. Pratiquement. Et d'ailleurs, ça, on le doit surtout à la coopérative des vins de Liège. Bernard, on est passé à côté de leur chai. Oui, absolument. Il y a quelques kilomètres, un chai flambant neuf que nous envie le Bordelais, la Bourgogne. Hein. Qui a été inauguré l'année passée. C'est en mai 2015. Et alors, à cette occasion-là, d'ailleurs, on a vendu déjà pratiquement toute la production de la récolte 2014. C'était les 25 000 bouteilles. Voilà, c'est et en bon fait, début. Les coopérateurs, la première cuvée, ce sont les coopérateurs qui ont mis un peu d'argent au bassinet. Exactement. Voilà. Qui ont pu se partager ces bouteilles. Mais maintenant, pour les autres millésimes, ils vont commencer à être commercialisés, ces vins. Oui, ben, ils espèrent d'ailleurs commercialiser jusqu'à 100 000 bouteilles. C'est le but qu'il a cherché. Il y aura du vin blanc. Alors, 10 hectares sur la commune d'Oupey, ici à Hurle-Romain. 2 hectares, c'est le Bassange, dans le village d'Emal, donc à la limite de la région flamande, sur les coteaux là aussi. Et on l'a remarqué par notre souffle, les coteaux qui sont bien exposés, idéalement en fait. Et on se rappelle qu'il y avait une tradition vinicole dans la région liégeoise qui a été oubliée pendant des décennies et qui revient maintenant. Hein. Oui, d'ailleurs, mais il y a encore dans la commune d'Oupey un village qui s'appelle Vivnis, qui est une des énormes de la vigne, quoi. C'est un endroit planté de vignes, quoi, Vignis. Voilà, bah ça nous ramène à des temps que, oula, pratiquement des siècles en arrière où on connaissait le vin à Liège. Heureusement, on y revient. Et cette fois, avec de la qualité. Vous avez parlé de vin blanc, il y aura d'autres vins aussi Il y a du vin blanc, et alors il y aura aussi comme cépage du pinotin avec lequel on va faire un vin rouge. Et il est excellent, je vous le dis, in vino veritas. Absolument. Ce vin, mes chers amis. On aurait bien besoin d'un vin maintenant. Et délicieux, il me fait penser un petit peu au pinot du Val du Loire. Bien frais, comme ça, il est savoureux. Et on en a mis, Sylvie, je le dis ça pour motiver les troupes derrière nous, bien au frais pour l'arrivée au village du Beauvais de Dravet, là où paye. Ah bah, ça me rappelle le saumur qu'on a évoqué ce matin. Vous voyez comme quoi il y a des liens à tous les étages. Ce matin, dans la cuisine, on était aussi sur un rouge frais, Sylvie. Ça me donne soif, hein, en parlant de ça. Vous avez quand même parlé, depuis le début de la balade, de beaucoup de dégustations. Hein. Je dis ça, je dis rien. Beaucoup de produits de une journée gourmande, mais une région gourmande. De toute façon, et c'est ça que je reviens souvent avec ça, tous ces stands qui nous entourent et qui sont vraiment, vraiment, qui proposent vraiment des produits du terroir. Et je pense que beaucoup de nos ravelistes et de nos auditeurs présents repartiront avec des produits du cru. Allez, respirez, c'est bientôt fini la balade de ces 29 km. On vous proposait aussi cette boucle Adeps de 13 km et c'est comme ça chaque été. Si vous ne vous sentez pas capable de faire cette longue balade, d'autant que parfois elle est plus difficile parce que plus vallonnée, eh bien vous pouvez faire la petite balade, voilà, en retirer une certaine fierté et pouvoir participer à l'ensemble de nos animations. C'est le groupe Les Souliers Rouges avec Marc Lavoie notamment qui s'installe dans la programmation de cet après-midi. Jusqu'à 17h, le beau vélo de Ravel. Vivre ou ne pas vivre, vivre son rêve à tout prix, de tout donner au jour et la nuit, s'abandonner à l'infini. Vivre, ne pas vivre, pour la gloire, pour les sous, pour un rêve devenu fou, faut-il y aller à genoux? Vivre ou ne pas vivre, pour cette passion qui nous dévore, où l'on peut voir passer la mort, puisqu'elle fait partie du décor. Vivre ou ne pas vivre, être seul, être là, être enfin face à soi-même. Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être nu, être bon, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être un jour, une nuit, être en vie face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, renoncer au grand amour, danser sans arrêt. Est-ce l'enfer? Est-ce la paix? Est-ce la guerre? La vie vaut-elle une carrière? Vivre ou ne pas vivre? Être seul, être là, être enfin face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre? Être fort, être faible, être encore face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre? Être nu, être beau, être beau face à soi-même. Vivre ou ne pas vivre, être un jour ou une nuit, être en vie face à soi-même. Derrière cette appellation, Marc Lavoine notamment. Ils seront en concert avec vivacité dans le cadre des Francofolies de Spa du 20 au 23 juillet. Réservez vos places sur rtbf.be/ticket. Vivre ou ne pas vivre. Vivre le Tour de France en direct dans cette émission. Tour de France 2016. Ce samedi 9 juillet, 8e étape. 184 km en montagne entre Pau et Bagnères-de-Luchon. Voilà, comme ça on reprécise un petit peu le parcours de cette 8e étape. Mon cher Samuel Grulois, le trio de tête est passé au-dessus du 2e col du jour, donc ça c'est fait. Voilà ma chère Sylvie Honoré, ce trio de tête est composé de Tony Martin, Thibaut Pinot, Rafal, Maïka. Ils sont passés il y a quelques instants au sommet de la Ourquette dans 6 ans, 2e des 4 cols du jour. C'est le français Pinot qui a pris les 5 points du classement de la montagne, ce qui fait de lui le virtuel maillot à poids du tour, maillot que perdra ce soir, c'est officiel, le belge Thomas de Gent. Le groupe des favoris Froome, Quintana, Contador et consorts a franchi le sommet avec 1 minute 27 de retard. Des favoris, comme je vous le disais tout à l'heure, qui n'ont pas encore déclenché la grande bagarre alors que nous avons passé évidemment plus de la moitié de cette étape déjà. Mais en ont-ils vraiment l'attention? On va entendre la réponse du manager de l'équipe Sky, l'équipe de Christopher Froome. Il s'appelle Dave Braceford. Je pense que ce serait maintenant. Le course n'est pas vraiment lancée entre le grand favori. C'est clair qu'aujourd'hui, surtout demain, sont deux journées difficiles quand on les met ensemble. Toutes les premières journées dans le Grand Montagne, il faut être attentif, il faut être prêt. Et mentalement, il faut être prêt pour la bagarre. Nous, on va sortir ce matin, on va commencer avec cette attitude. Et je pense que tout le monde a rendu compte que la dernière semaine de cette Tour de France est très, très difficile. Ça, il faut le prendre en compte aussi. Interview signée Jérôme Elguer, c'est Dave Braceford, le boss des Sky, les Sky qui donnent la cadence en ce moment en tête du groupe des favoris. Nibali, Alaphilippe, Franck, Villermoz, Galopin, Moreno, De Gendt, Navarro et le maillot jaune, Greg Van Avermaet, sont lâchés, Sylvie. Merci beaucoup Samuel, on vous retrouve évidemment tout à l'heure en direct à partir de 16h et puis dans l'émission qui va suivre aussi. Alors nos partenaires ici dans le village, dans ce village, que ce soit ici à Oupeil, que ce soit dans tous les villages qui vont se succéder lors de cet été 2016, et on espère qu'il sera aussi ensoleillé qu'ici. Il y a des partenaires évidemment très importants qui nous suivent depuis tellement longtemps. Quand je lis 10 ans de partenariat avec le beau vélo de Ravel, je pense évidemment à Engie Electrabel. Serge Dauby, vous représentez Engie Electrabel, vous êtes responsable de la communication. 10 ans, vous êtes sûr, vous les avez comptés ces années qu'on a passées ensemble? Ah ben quand on s'amuse, on ne compte jamais, évidemment. Donc oui, c'est 10 ans de partenariat vraiment intéressant qui sur lequel pas mal de choses se sont passées au fur et à mesure. Je crois que tout le monde a évolué et c'est ce qu'on a eu le plaisir de faire jusqu'à présent et on compte continuer pour le moment. Entre les animations d'il y a 10 ans et aujourd'hui, les animations beaucoup plus virtuelles, parce que c'est vrai qu'on est vraiment dans des animations propres des grands parcs d'attractions. Il y a une belle évolution de votre part. Oui, tout à fait. Mais par exemple, c'est vrai que pour le moment, sur le stand, vous pouvez vivre une visite virtuelle de la maison Electrabel, donc une visite virtuelle à 360 degrés, comme si vous y étiez. Alors on rentre dans la salle de bain, on rentre dans la cuisine, on rentre dans la salle à manger, on rentre un peu partout et on visite vraiment cette maison, comme on peut le faire à plusieurs endroits par un site internet, mais là on le fait avec des lunettes selon la logique virtuelle, et on va tout à fait faire cette visite extraordinaire. Mais pour faire prendre conscience de quoi? De notre consommation, pièce par pièce? Alors la consommation, fatalement, est un des éléments essentiels. Plutôt que d'acheter son énergie moins chère, il est toujours intéressant de ne pas la consommer, parce que le kilowatt le moins cher restera immanquablement celui qui n'est pas consommé. Ah, c'est et c'est ce sur quoi on essaye d'aider les gens. Oui, évidemment, c'est tout ce qui est économie d'énergie à tout niveau, que ce soit dans la lumière, que ce soit dans le chauffage, que ce soit dans une multitude de choses. C'est vraiment la raison d'être d'Electrabel Engie pour le moment. Donc c'est ça qui attire le plus les personnes qui viennent vous voir dans votre stand, ou il y a d'autres choses? Alors il y a évidemment cet attrait de l'inconnu, qu'est cette maison virtuelle à 300 degrés, évidemment ça intéresse. Puis il y a aussi des gens qui viennent chercher des vélos électriques, parce que alors tant qu'à faire du vélo, autant que le vélo soit électrique. Ah chez bah nous, oui, c'est chez c'était, vous aussi. C'était assez logique. Et donc il y a des gens qui viennent chercher des vélos électriques, et puis il y a des gens qui viennent simplement voir Electrabel Engie ou Engie Electrabel sous un autre angle que ce qu'on voit d'habitude, ou parfois ce qu'on entend dans la presse, et c'est donc intéressant. Mais oui, parce que c'est vrai que c'est toujours bien que vous soyez là dans une manifestation populaire comme celle-là, parce que quelque part on associe un peu votre nom à facture, vous voyez, donc c'est histoire simplement de dire que il n'y a pas que ça, quoi, chez vous, chez Engie Electrabel, et qu'il y a moyen en effet de prendre du bon temps ici en étant un peu touriste dans un événement comme celui-ci pour venir chercher des informations, quoi. Oui, alors comme vous venez de le dire, la seule chose dont on ne vient pas parler, c'est la facture, et je comptais ne pas en parler parce que ce n'était pas le but, mais donc c'est vraiment ça, et c'est vraiment important parce qu'on accompagne nos clients, on accompagne les gens au maximum dans une multitude de choses. Alors, malheureusement, ce qui ressort souvent, c'est la problématique des factures et autres, mais c'est surtout la logique de l'économie d'énergie. On n'insistera jamais assez. Oui. Un jour, quelqu'un m'a dit, c'est vraiment bizarre que, alors que vous vendez ce produit, vous vantez aussi le fait de l'économiser. On ne doit pas être très nombreux dans les fournisseurs à faire ça. Je parle pas de l'énergie, je parle de tout fournisseur, confondu. Mais c'est essentiel pour la planète, c'est essentiel pour un tas de choses, et donc c'est essentiel pour les gens, et ça c'est vraiment ce qu'on veut faire. Regardez pas trop les prises de courant ici qui sont encombrées, hein, d'accord. Faites un peu, fermez les yeux, parce que quand vous parlez de consommation d'énergie, bah voilà, on est quand même, bon, c'est un studio qu'on doit alimenter, bien entendu, et jusqu'ici, Pas de panne de courant. Non, ah, aucune panne. Peut-être qu'une bonne logique pour les années prochaines, ce serait de pédaler pour avoir du courant, voyez-vous. Il faudra trouver des amateurs, attendez, mais je suis certain que vous allez en trouver. Attendez, 10 ans de partenariat, on ne va pas s'arrêter en si bon chemin. Donc ça veut dire que ce que vous venez de dire, à mon avis, va peut-être être exploité. En effet, ce serait vraiment bien. On en reparlera alors. Et pourquoi pas, de pédaler pour fournir toute l'électricité, en effet, dont un village comme celui-ci a besoin. Merci Serge Dobie, je rappelle que vous êtes responsable de communication. Allez, on continue avec nos ravelistes. Voilà, nos ravelistes qui vont bientôt revenir, emmenés par Adrien et Olivier. D'ici quelques instants, on aura leurs premières impressions juste après Peter Gabriel en studio, quelque part avec nous, dans les oreilles. Ça s'inscrit aussi dans la programmation musicale de cet après-midi. Excellent samedi à tous et profitez bien du soleil, encore plus demain. C'est ce qu'on nous annonce et on l'espère, on croise les doigts. des années 70, Peter Gabriel sur Vivacité, dans cette émission en direct de Oupay, le beau vélo de Ravel, qui fait venir encore des personnes qui viennent pour la première fois. On est toujours étonné, Adrien, ouais. Mais c'est vrai qu'on prend le temps d'expliquer un peu aux personnes comment ça se passe et que nous n'en sommes qu'à la troisième étape et qu'il reste tellement, tellement encore de lieux à découvrir avec toute l'équipe. Oui, c'est vrai que c'est sympa de voir à la fois les vieux habitués puis les petits nouveaux. Absolument. Ceux qui découvrent. Martin Charlier, par exemple, c'était votre premier beau vélo de Ravel. Mon premier officiel. J'avais déjà participé à Rochefort il y a 3-4 ans, mais c'était hors saison. Et puis surtout, c'était beaucoup plus simple. On m'avait caché qu'il y avait des côtes. Hein. D'accord. Et c'était la petite bière à Rochefort. Là, ici, vous voyez ce qu'on vous oui, sert. Oui, ici, c'est de la Cursus carrément. Hein. Donc voilà. Ça, c'est parfait. Ça. Ah oui, parce qu'on est dans la cour du château Cursus. Voilà. Le château d'Oupay avec Mike qui est le brasseur. Alors, Cursus, c'est quoi? C'est juste une bière c'est pour faire bien à côté du château ou c'est vraiment une bière brassée ici à Liège? C'est une bière vraiment locale. On est à moins de 10 km de la brasserie. On est en plein centre-ville, au pied des escaliers de Buren. Et en plus, le château a été construit par Cursus. Donc, on est vraiment chez nous. C'est on est dans les jardins de la maison. Et tu fais du bon boulot, hein, parce qu'elle est délicieuse. Hein. Alors, pour être honnête, c'est pas moi qui la brasse. Moi, je suis juste ici pour la présenter. J'ai le beau côté des choses. Et juste pour m'amuser avec vous. Oui, alors, on est chez nous. Ça fait penser un peu aux supporters, quoi, ça. On est chez nous. Ça, c'est ce qu'on dit avec le standard. Partout où on va, parce qu'on met plus d'ambiance. Surtout quand on va en Anderlecht, on sent bien qu'on est chez nous. Oui, oui. C'est et ça qui est bien. En tout cas, vous étiez chez vous sur ce beau vélo, oui. Martin Charlier. Un vrai plaisir d'avoir partagé ces moments de complicité cyclo avec vous. Tout à fait. C'est un plaisir partagé. D'ailleurs, on remettra ça. Bon, maintenant, je vais mettre un peu pour récupérer. Je vais avoir mal mes jambes, comme on dit. Ça, c'est encore une belle expression de j'ai mal mes jambes. J'ai mou mes jambes. Oh, j'ai mou mes jambes. J'ai mou mes jambes. Mais c'était très chouette. Puis ça, j'ai pu m'aérer comme ça. Oui, oui. Et puis voilà. Sortir un peu des stades. Et, oui, voilà. Et des studios. Vous serez demain sur voilà. Le plateau de Bleu Blanc Mag. Voilà. Un petit pronostic pour la finale de l'Euro 2016, la France face au Portugal. Je dirais un match acheté. Pas par la France ni par le Portugal. Un match acheté par la fenêtre, c'est tout. Parce que les Belges y sont pas. Voilà, c'est ça. Et puis de toute façon, moi, devoir assister à la victoire de la France, je ne saurais pas. Je ne saurais pas ça. D'accord, mais il n'est pas impossible que les Portugais gagnent. Peut-être que. Je crois que c'est quand même presque impossible. Hein. Mais non, allez, ce serait quand même bien. Je serais quand même derrière les Portugais, c'est vrai. En plus, ils sont en rouge aussi, donc ça tombe bien. D'accord. Et on salue Rodrigo Benkens au passage. Évidemment, hein, Rodrigo, si tu nous regardes. Olivier Coll, vous êtes vous aussi arrivé sur ce village, cette pelouse magnifique, baignée de soleil ici. Mais au pied du château. C'est carrément un amphithéâtre. Hein. Ouais, ouais, quel beau. On a un vrai gradin qui amène vers cette scène où il y aura les showcases, Joker Plus tout à l'heure. Bastian Baker qu'on a entendu, évidemment. Il y aura les héros locaux aussi, hein, la bande à Lolo. Ils sont de Oupay et vont se produire à Oupay aujourd'hui. Moi, j'ai changé de breuvage. Alors, on sait que la bière Cursus dont vous venez de parler est faite à base d'eau. Et ben, justement, moi, j'ai été chercher la matière première, la flotte, la bonne flotte de chez nous, distribuée par la SWD. Qui est également partenaire du beau vélo. Je suppose que vu le climat aujourd'hui, Madison, vous en avez distribué des litres et des litres. Hein. Ah ça oui, ça arrête pas. On les distribue avec le sourire et je pense que les gens sont contents. Est-ce que vous avez encore des gourdes pour les enfants? Ah on en a encore plein. Ça c'est. On attend d'ailleurs les enfants et les grands enfants aussi à venir jouer à notre stand. Hein. Et on rappelle que pour se désaltérer, comme je vais le faire, l'eau du robinet. C'est évidemment de l'eau potable et on peut la boire. D'ailleurs, je le fais en direct, si vous voulez bien. Ah, waouh. Ah, ça fait du bien. Ça rince. Bon, Madison, vous serez sur encore d'autres étapes, évidemment. Oui, bien sûr, sur toutes les prochaines étapes, jusqu'à Arlon, normalement. D'accord. Et plus, hein, si on a l'opportunité. Et alors, on pourra goûter, Sylvie, comme ça, la différence de légère de goût entre une eau dans une région, une eau dans l'autre. Il y a une petite différence de goût d'un coin à l'autre de la Wallonie. Et je vous ferai peut-être le palmarès des meilleures eaux de distribution. Mmh. Tiens, voilà. En attendant, je reste sur celle d'Oupay pour maintenant. D'accord. À tout de suite, évidemment, avec une ambiance qui monte ici, au sein du village du beau vélo de Ravel, au cœur du château d'Oupay. Laurent Boulzy et Alain Souchon pour terminer cette émission en direct de Houpey du Beau Vélo de Ravel, même si nous interviendrons encore dans la prochaine heure et l'autre aussi pour parler des résultats. Olivier, vous êtes là? Avec Bernard, mon coéquipier qui en termine également avec nous. Oui, Olivier, bonjour, je suis toujours. J'ai oublié de dire, vous avez pris votre appareil photo avec nous. Hein. Oui, j'ai pris un appareil photo, mais je vais avouer que j'en ai fait très peu de photos. C'est très difficile de pédaler, les mains, de parler. Le moment de saluer les mains tout le monde, guidon, Olivier, et de se donner la semaine prochaine rendez-vous à Vielsalm, bien oui, entendu, où nous serons en compagnie d'autres artistes. Dans quelques instants, c'est le flash de 16h. Bon après-midi tout le monde. Tout vivacité à la demande est sur rtbf.be/ovio. RTBF Ovio, libérez vos envies.